feu. 89.1. Spécial d'assemblage requis, je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Et on vous parvient des studios de C'est fou à Trois-Rivières pour cette édition spéciale Grosse Pointe Tendresse Potluck 2017. Oh my god, c'est spécial temps des fêtes. On est excité, public en studio. Ok, oui. On fait l'émission à 7h le matin en direct, ouais. Donc il n'y a pas grand monde encore. Non, d'arriver. Pas encore. On vous raconte un petit peu le contexte pendant qu'on accueille Alexandre Larémis-Wiki. Bon matin, les gars. Bonjour à toi. Le seul matinal. Oui, c'est oui, ça. Oui, que oui. Nous. Il y en a un autre en route, par exemple. Oui, c'est ça. Je sais pas ce qui m'a pris. Bref, je viens de me faire offrir du café. C'est une très bonne chose. Oui, je sais. Hein. Alcoolisé peut-être ou pas. Peut-être ou pas. On sait pas. Les gardiens de sécurité sont en congé, j'espère. J'espère aussi. Donc, Alexandre Larémis-Wiki qui est le premier à venir en studio avec nous. Et on t'a pas pour énormément longtemps. Non, hein, on a su ça. Oui, c'est ça, exactement. Ben, parce que je m'en vais travailler ensuite. Ben oui. Voilà. Mais j'ai eu envie. Ouais. Vous m'avez parlé de potluck, ça a été le mot magique ce matin. Bouffe. Oui, voilà, exactement. Faut quand même mettre en contexte les gens, c'est quoi le potluck annuel d'une grosse potluck. Donc, c'est la deuxième année qu'on le fait dans le temps des fêtes. Et on accueille le plus de gens possible pour goûter à des choses qui possèdent un ou deux des trois facteurs suivants. Oui. C'est-à-dire. Oh mon Dieu, je me souviens jamais c'est quoi. Facile à cuisiner ou à acheter. Exact. Que les autres n'ont pas goûté nécessairement. Exact. Et qui pourrait être considéré comme la malbouffe. Deux des trois facteurs, mais on est lousse. C'est ça. Surtout pour un spécial temps des fêtes. J'ai apporté une pomme. J'ai vraiment mal compris. J'ai jamais mangé de pomme. Ben, je vais pas manger parce que je vais mourir. C'est ça. Tu veux tuer déjà une personne dans l'équipe? Est-ce qu'à la fin de l'émission, on va être un seul survivant? Oh, bon. Peut-être. Qui sait? Bref, on va commencer tout de suite, étant donné que tu vas nous quitter bientôt, Alexandre Larémis-Wiki. Absolument. Tu as amené quelque chose dans ton petit sac? Oui, j'ai apporté plusieurs choses. Écoutez, j'avais un grand projet hier soir. J'avais envie de vous cuisiner quelque chose, mais il y avait énormément d'étapes. Et puis, l'heure avançait. Fait que l'étape facile venait de se faire effacer. L'étape facile venait de se faire exactement. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux vous apporter ce matin qui va être nourrissant, qui va être goûteux, qui va être savoureux et que vous avez peut-être jamais mangé. Ah ouais? OK, donc je vous demanderais de faire un petit roulement de tambour. Maçon. Et c'est un énorme pot maçon qui est garni finalement d'une substance granuleuse. On dirait du noir et blanc, on dirait de la neige sur une TV. Exactement. Et puis là, je vais vous l'ouvrir comme ça. OK, il faut l'ouvrir dans le micro. J'espère que tu as amené des cuillères. Oui, j'ai apporté des cuillères. C'est la langue à même le pot. Je m'allais dire, la chasse-galerie est fermée. Et voilà. C'est un pudding à la graine de chia. Oh mon Dieu, tu me parles. Graine et chia, tu parles à Tania, c'est ça que ça veut dire. Oui, exactement, exact. Mais non, mais c'est parce que moi, je sais c'est quoi. Mais Mathieu, c'est pas. Ben écoute, la graine de chia, finalement, c'est cette petite graine qui est un je crois qu'on peut dire que c'est un super aliment parce que c'est bourré de calcium. C'est à peu près 25 fois la quantité de calcium qu'on pourrait retrouver dans une cuillère à soupe versus ben écoutez, j'ai vraiment pas de chiffres là, c'est un peu n'importe quoi, mais mourir d'une surdose c'est ça exactement de calcium. Ben, ouais, exact. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? Parce que je me suis dit, bon, vous m'avez dit quelque chose qui se fait rapidement. Ça se fait super rapidement. Et c'est bon, c'est franchement intéressant. En même temps, j'ai hâte de voir vos faces parce qu'au niveau de la substance, la texture c'est comme manger une crème pour le visage avec des billes dedans, c'est ça? C'est exactement ça, Mathieu. Ça ressemble pas mal à ça. Un peu t'exfolier avec ton pudding à graines de chia, tu vas sentir un petit peu le type vert. J'ai tendance à mélanger les affaires. T'sais, des fois, ça se peut que je me mette la crème pour le visage dans les cheveux le matin. C'est ça. Ça arrive quand il y a de bonheur. Fait qu'on va faire attention. Hein? OK, bonne idée. Ah, c'est ça. C'est pour ça que les écouteurs que je viens d'entendre me dégoûtent un peu. Bref, ça crème hydratante à matin. Exactement. On félicite les animateurs auditeurs de l'émission qui nous a précédé d'avoir tout rangé ce que j'avais installé pour l'émission de ce matin. Merci beaucoup. Je pense qu'on a des gens obsessifs compulsifs dans une équipe de radio parce que mes écouteurs étaient tout placés pour avoir juste à les mettre sur sa tête. Mais ils les ont rangés. C'était... Mais merci. Mais sans s'en rendre compte, ils ont été absolument exceptionnels, mais ils ont créé le chaos. Hein, parce qu'ils l'ont très bien plié, mais ils les ont superposés. De sorte que ça a été un petit défi à démêler. Bref, écoutez, vous pouvez les entendre. Les cuillères sont arrivées. Oh, donc, je vous remets... Le petit Renoir Nez Rouge et ses cuillères. La cuillère protocolaire ici. Donc, on a le passage de cuillère au bas. On est chevalier du gros poisson. Chevalier du grumeau. Chevalier du grumeau. Donc, c'est très bon. Et qui se lance en premier? Qui plonge sa cuillère d'abord? Ouais, je suis comme plus proche, Mathieu. Okay. Mais je vais t'attendre avant de goûter, il y a certainement. Des petits fruits sur le dessus. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà goûté? Est-ce que tu... Pas un pudding. J'ai déjà goûté à la graine de chia. Évidemment, j'en mets comme dans mes smoothies. Là, c'est merveilleux. J'en mets un peu partout, en fait. Ah ouais. C'est un peu obsessif-compulsif, mon affaire. Ah, mais oui. Mais... Il y a un petit peu en arrière de l'oreille. Ouais, c'est ça, exactement. C'est la crème hydratante. C'est les écouteurs aussi, hein, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, Mathieu, merci lui beaucoup. Aussi, va se prendre une cuillère. Il y a des canneberges séchées? Oui, j'ai serti tout ça de véritables canneberges séchées, exact. Bon, écoutez... J'ai ça sur ma cuillère en ce moment. Ouais, exact. Ouais. Puis je vais m'en prendre un petit peu. Ah, t'as prendre en avant. C'est une nouvelle recette. Ah ouais? OK, jamais goûté, mettons. Bon, écoutez, je sais pas si j'ai le droit de semer le chaos à ce point-là. C'est toi qui l'as fait. Oui, c'est moi qui l'ai fabriqué. Mais il est très beau. Ça a été fabriqué avec amour. Ça a quasiment l'air acheté tellement c'est beau. Ouais, écoutez, c'est ça. Il y a quelqu'un d'autre qui essaie de faire incognito, puis normalement, il y a un protocole, puis sûrement que j'ai pas le droit de dire ça. Hein. Non. Je le calerai pas, le nouvel invité, mais j'aurais voulu y faire manger. Parce il y a pas que encore, c'est, il y a pas c'est encore quelqu'un que je suis pas sûr qui mange toutes ses portions de fruits et légumes. Mais c'est pas grave. Écoutez, il goûtera tantôt. Ça dépasse si tu calcules des ailes de poulet pour une portion de légumes. ou une boîte de pizza la dernière fois. C'est ça. Il y a un micro légumes sur la table. Substitue, oui. Aussitôt que Martin Lambert sera prêt, il va venir se chercher un petit micro. Ah, de beauté. Donc, on sent pour on commencer. Y va? OK. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça sent bon. À l'odeur, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est simple. J'ai envie de pas vous le dire tout de suite parce que on goûte sinon, avant. Que vous goûterez pas. Hein? OK, on goûte. On va goûter, sinon, après, vous goûterez pas, c'est rassurant. On y va. Donc, allons-y. Surprenant. OK, ça goûte très ça goûte? Bon. Le pudding au riz un peu. Ouais. Le style tapioca là. Ouais. Mais j'aime la canneberge, je viens rajouter un petit quelque chose de plus parce que je suis pas un grand fan de cette texture là. Mais c'est pas mauvais du tout. Ouais, mais j'adore ça. C'est vraiment la texture du pudding au riz. Ouais. Mais c'est ça, c'est la graine de chia en fait. Aussitôt qu'elle est immergée, elle va gonfler. Ah puis ouais. Elle va, ouais, exact. Donc c'est ça, c'est comme moi hein, quand je suis dans le sud, dans une piscine, je suis immergé, je bois du pina colada, je gonfle, donc c'est la même affaire, c'est le même principe exactement. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ça? C'est tout simple, il y a deux tasses de lait de coco, vous pouvez prendre des notes à la maison, deux tasses de lait de coco, on a une demi-tasse de graines de chia, on a du miel à volonté, le miel, en même temps, ceux qui sont véganes, on peut opter pour d'autres choses comme de l'agave. Ou encore... Pourquoi? T'es-tu en train de dire que le miel, c'est pas vegan? Ben non, les abeilles non, parce fait. Que mine de rien, il y a des petites ouvrières qui font ben ça. Ben ouais, t'sais. C'est vrai. Ben, ils ont-tu un syndicat, les abeilles? Ah. Non, bon. Ben peut-être, on sait juste pas. Ben c'est ça, tu sais, fait que... Il y en a qui sont DJ, on sait, Abeille Vigna. Oui, exactement. Et peut-être syndiqué dans les musiques. Exactement. En tout cas, on lui souhaite de butiner à souhait. Exactement. C'est voilà. Butine abeille. Voilà. Et c'est ça. Donc, graines de chia, lait de coco, on aurait pu y aller avec du lait de soya, on aurait pu y aller même avec ça de l'eau. Un peu le lait... Non, c'est pas du lait de coco que t'as mis dedans. C'est du lait de coco. Ça goûte un peu ça, je trouve. C'est très bon. C'est extrêmement riche. Environ chaque cuillère fait à peu près 400 calories. Sauf que c'est tellement bon. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est incroyable. Ça goûte, ça me fait penser, c'est drôle que tu parles du lait de coco. On dirait, maintenant que j'y pense, une Bounty moins sucrée. Bounty, ça c'est le pas des assouplisseurs, ça. C'est exactement ça. Mathieu Pearl, arrête de manger des assouplisseurs. Je me suis trompé, j'ai mis ça dans mes recettes. Ouais, ça va pas bien là. Mais il y a aucune selle dans tes, il y a aucune statique dans tes selles. Hein. Il y a aucune selle dans mes statiques. Non, exactement. Ça aussi. Donc pour ce qui est de la recette, écoutez, c'est très simple. Comme je vous disais, googlez tout simplement. Pudding aux graines de chien, il y en a environ 462 000. C'est juste sur la page 1. Googlez pas graines de chien. Oui, non, exact. Parce qu'il peut y avoir des démêlés avec la justice. C'est ça, exactement, une matinée un peu moins agréable. Ça change le goût aussi, juste un peu un aussi. Petit peu. C'est l'hiver. Je ne pensais pas qu'on irait là déjà à 7h du matin. Il faut commencer on fort. Pas nous autres. Il faut commencer fort pour les gens qui nous écoutent en après-midi c'est ou ça. En soirée. On ne sait pas, tu sais. Martin Lambert qui vient d'arriver en studio. Lui qui est avec le micro de foule en ce moment, même si on n'a pas encore de foule. Salut Martin. Bon matin tout le monde. Ça va bien. Bien vous aussi. Oui. Ben oui. Ton micro de foule qui va te permettre de mettre ça dans ta bouche pour entendre, pour goûter. Oui. Est-ce que t'es dédaigneux, Martin? Pas du tout. Ok, bon ben je vais te prêter ma cuillère. Okay, bon, c'est j'ai si gentiment léché à provision. Ce qui est plate, c'est que Tania, en plus, a une maladie incurable. Une maladie de la bouche transmissible hautement. Tu vas devenir allergique aux pommes. Ouais, exactement. C'est ça. Je me fais apparaître. Ouais. Oh! On a une phase de doute. Oh. Et Martin qui se reprend une deuxième bouche. Ben oui, mais aussi, je pensais qu'il y allait pour la deuxième. Ouais. La texture est différente. La plus sucrée. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Dans sa richesse. Est-ce que t'es déçu? Oui. Ah! C'est pas assez malbouffe. Non, mais je pensais que ça pourrait être plus sucré. Ouais. T'aurais rajouté quoi? Plus de miel? Plus de. J'aurais mis du sirop d'érable. Sirop d'érable. Non! Tu ouais, couras des bois. Tu peux. Mets-toi ça dans un verre avec de la maroula. C'est ça. Parce que tu pourrais te faire un drink avec des graines de chia, j'imagine, non? Ah, écoutez, avec des drinks, il y a bien des graines. En tout cas, mais ça, c'est des histoires que tu sais. Avec des chia, on peut aller bien loin. Ouais, exactement. C'est ça, c'est une autre affaire. Une fois que j'ai commencé avec ça. Il est trop de bonheur. On peut l'arrêter. Tabarnouche. Ah, wow. Donc, oui, au niveau du sucre, écoutez, j'ai mis un petit peu moins que la quantité recommandée de sucre, mais je vous dirais que c'est pas tant un éditorial plus que le fait qu'il restait à peu près 2 cuillères de miel dans mon pot. Donc, généralement, on aurait pu aller avec peut-être une ce qui était recommandé, c'était une demi-tasse de miel ou de sirop d'érable ou d'agave. Lui, il a mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe. Faut le dire, Zwicky, la raison qu'il a une aussi belle voix, c'est qu'il est tout le temps en train de se prendre une cuillère de miel. J'ai toujours. Je peux dégager une cuillère de miel à n'importe quel moment. C'est le secret du bonheur, en fait. Il miel plus vite que son ombre. Oui, absolument. C'est le cowboy. Vous avez bien dormi. Oui, pas pire. Ah, ça paraît qu'il est du matin pour Martin Lambert. Il n'a pas l'air réveillé encore. Ça va nous, Martin, on est ici depuis 6h30, il faut le mentionner. J'étais ici à 6h30. Il dormait dans son bureau. Oh! Préparait mes affaires. Ils sont pas encore prêts. En fait, il voulait tellement être sûr d'être là à l'heure qu'il a dormi dans son bureau. Ouais. Ouais, c'est ça. Il a fait le party hier au 10-12. Ah, dernière ben soirée. Oui, dernière soirée du mercredi, c'est ça. Hein? On pouvait observer Martin danser sur le dance floor. Moi, je pense que. Je pense que Martin, son commentaire à chaque produit va être c'est pas assez sucré, pas assez salé. Ouais, pas sucré. Non, mais vous l'avez vendu. Ça goûte pas assez la drogue. Sucré dans le sud, mais c'est comme une ambiance. Puis bon, finalement, l'ambiance. Le sud est parti. C'est vrai, quand on a parlé c'est du bon, du mais m'attendais à plus sucré. Ouais. Ben, on pourra rajouter. Écoutez, on va sûrement trouver un édulcorant, là. Et on te mettra une cuillère. J'en ai dans le sac à café. Ah, ben, c'est ça. Sucre pisse. On va faire une prise 2. Écoute. On recommence ça. Ben, c'est ça. Puis en plus, ça va être d'autant plus pratique si on rajoute du sucre. Parce que Mathieu, pour s'exfolier, du sucre. C'est super bon. Et des grains. C'est merveilleux. Ça va être incroyable, c'est le mix parfait. Vraiment, là. Exfolie l'intérieur. Je vais devenir YouTuber, partir d'une chaîne de conseils là-dessus. Ça va être incroyable. Exfoliez-vous avec les graines de chia. Ah, je te verrais faire ta ligne de sourcils. Ah, ouais. Pourrais travailler là-dessus. Mon milieu de sourcils pourrait en profiter pour en enlever un petit peu, non? Ouais. Bref, hey, merci beaucoup, Alexandre Ramizwicky. Ben, ça fait plaisir. Cette merveilleuse dégustation, on sait que tu dois partir travailler. Ouais. Ben, écoutez, j'ai encore quelques minutes. Ah, ouais, ok. Un grand goût. Fait que, écoutez, j'ai encore un bon 30 minutes. Ah, bon, encore, ok. Merveilleux. Est-ce qu'on écoute une chanson pour continuer ça tantôt? On pourrait. On va faire ça, une petite chanson de 2 minutes pour aller entendre une pièce que Tania a choisie. Ben oui, certainement. C'est pour faire plaisir à mon vieux père. Ah, c'est du Reba McEntire avec Up on the House Top. Cute. C'est une grosse pointe d'adresse sur ces. Up on the housetop, the reindeer paws. Out jumps good old Santa Claus. Down through the chimney with lots of toys. All for the little ones' Christmas joys. Ho ho ho, who wouldn't know? Ho ho ho. First comes the stocking of little Nell. Oh dear Santa, feel it well. Give her a dolly that laughs and cries. One that will open and shut her eyes. Next comes the stocking of little Will. Oh, just see what a glorious feel. Here is a hammer and lots of tacks. Oh, so a ball and a whip that cracks. Oh, ho, ho, who would know? Ho, ho, ho, who would know? Up on the housetop, click, click, click. Down through the chimney with old San Nick. Up in the housetop de Reba McEntire. Du country de Noël. On aime ça, on adore ça. On s'attend à ça de Tania Baudin. Ouais, le ben on oui. est un... En temps normal, ça exclut la personne qui parle, fait que dis-le donc. C'est ça. On aime tellement ça. Donc, vous êtes toujours dans une grosse boîte d'adresse, le potluck annuel d'assemblage requis. Martin Lambert est rendu plus écoutable dans ce segment-ci. Il s'est réveillé. Check test. Ça il va a pris quatre gorgées de café. C'est ça. Ses pupilles se sont dilatées. Ça y est, ça. Bon matin, Martin. Bon matin, tout le monde. Nous, on a l'habitude, en tout cas, moi, je bois pas de café avant l'émission, habituellement. Ouais. Donc là, d'en boire au début de l'émission, c'est quand même bien. Là, je suis primé ben raide, moi. C'est ça, ouais, mais ça, on vous devriez voir Mathieu depuis tantôt qui est sur un vélo stationnaire. Ah, c'est ça. C'est lui qui fait fonctionner l'électricité. C'est ça. Ah, tu sais, l'université est fermée, hein. Oui. Hein? Bah. Donc, ça. Martin Lambert et Alexandre de la Remise Wiki sont nos deux invités en ce moment. Oh. Deuxième test de la part de Martin Lambert ce matin, ben, écoutez, Mathieu. Martin a fait une plainte là, au niveau du niveau de sucrosité, finalement. Des graines de chia. Ouais. On se rappelle qu'il a dit qu'il était déçu. Exactement, on a trouvé un petit sachet de sucre. Oui, un sachet de sucre à café. Donc, c'est du sucre en granules. Mais là, on a dit directement t'en mets dans comme tu veux. Et puis, c'est fait une bonne braque de sucre. Oh, ça va être très drôle tout à l'heure. Oh, j'ai mal fait mon affaire. Je passe la journée quand même. Alors, Martin qui a d'abord mis le sucre dans sa cuillère plutôt que de le rajouter ensuite sur le pudding. Oui. Donc, Martin, top le diabète présentement. Et boy, oui. Te sens-tu en Floride en ce moment? Oui, plus en vrai. République Dominicaine. Non, mais c'est meilleur que le sucre. Pour moi, en tout cas. Mais le sucre était au fond de la cuillère, donc t'as goûté le sucre sur ta langue ou sur le palais dès le départ? Sur le palais. Sur le palais, oui. Oui, c'est sur le palais. Là, c'est meilleur avec le sucre. Moi, j'aime ça un petit peu plus sucré. Ouais. C'est excellent. J'aime bien l'endive ajoutée à l'intérieur. Ouais, l'endive. Oui, ouais, le cornichon. Oui, c'est ça. C'est pas mal. J'en reprends encore. Bon, on aime ça. Tu l'as converti. Il manquait un parasol dépendance. Il va toujours manger de la graine de chia. Mais là, faut que tu m'expliques quelque chose. Moi, je pensais que c'était santé, cette affaire-là. Ben écoute, c'est super santé, sauf que dans ça, qu'est-ce qu'on a? Le chia, d'abord, c'est ultra calorique. OK. Et le lait de coco, c'est ultra calorique aussi. Fait que c'est santé, mais c'est très... C'est calorique. Oui, c'est très calorique. C'est parti pour le temps des fêtes. Ben oui, c'est ça. Faut que tu te gâtes un petit peu en même temps, sans y aller à l'extrême. Mais permettez-vous de sortir un autre chat de mon chapeau? Ben oui. Hein? What a twist, comme on dit. Ben, certainement. Par contre, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps. Alors, je vous ai apporté la canne. Qui contient ce que j'avais envie de vous cuisiner. Donc, malheureusement, on ne pourra pas y goûter, mais je me suis dit, j'ai envie de vous en il l'a amené pour teaser. Vous agacez, c'est ça, tu sais, mine de rien, je fais mon agace-papille, tu sais. C'est ça? Alors, je vous ai apporté une canne ici, comme c'est ça. C'est quoi, c'est de l'éléphant? Oui, absolument. C'est en voie d'extinction. C'est éléphant, ça boit. Mais oui, ça s'appelle Deux éléphants, Monde et Marc. Marc et Monde, bref, c'est du fruit du jacquier, du jackfruit. Okay. Donc, ça, c'est un fruit qui est énorme. Hein, qui est, ça ressemble qui à un ananas. Oui, c'est ça. Ben, y a une carapace qui ressemble un petit peu à la peau de Mathieu avant qu'il s'exfolie, finalement. C'est ça, exactement pareil. Exact. Et ce fruit-là est super intéressant parce que j'ai acheté un livre vegan. Hein. C'est pour ça que je suis. Est-ce que t'es rendu vegan pour vrai ou proche? Non, mais je fais des tests. Moi aussi, je fais ça. J'en fais des tests. J'ai envie de diminuer ma consommation de viande un petit peu. Et j'ai acheté un livre qui s'appelle La cuisine de Jean-Philippe. Hein? Mm-hmm. Donc, c'est pas Jean-Philippe Charbonneau, hein, méprenez-vous. Ouais, non, parce que lui, c'est un mangeur de steak. Mais ça, c'est un fruit qui a une consistance fibreuse et qui est très, une fois que le fruit est cuit, très similaire à la viande. Ah ouais? Et même au goût, apparemment, c'est à s'y méprendre. Donc, il faut le cuisiner et on peut se faire une excellente recette de pulled pork avec ça. Du porc effiloché. Fait que finalement, t'es en train de me dire que c'est zéro sucré comme fruit. C'est pas sucré, en fait. Là, c'est dans un... Ouais, exact. Dans une canne? Regarder la canne en ce moment. On peut pas l'ouvre-boîte, c'est ça? Non, on peut pas l'ouvrir. On peut pas l'ouvrir, ok, c'est pour toi, c'est pour chez vous. Okay. Je suis plate. Écoutez, si on trouve un ouvre-boîte, Martin va peut-être vouloir y goûter et rajouter du sucre dessus. J'ai une autre bouteille, mais je pense pas que ça marche. Bon. Ouais, tu peux boire le jus. Tout ça pour dire que c'est à la base de plein de recettes vegan. Ce n'est pas trouvable à Trois-Rivières. Sauf dans un tout petit marché. Et c'est pour ça que je me suis permis de sortir ma canne parce qu'il y a une anecdote savoureuse. Faites-moi le signe, hein, parce que moi, mes anecdotes, des fois, durent une heure et demie. Vas-y, on a le temps. J'ai acheté ça dans un marché et c'est mon ami Joliane Dufresne qui m'a dit va frapper à cette porte-là. Je suis pas mal sûr qu'il va voir ça. Improvisatrice à la limite, en c'est un marché clandestin. Va frapper à la porte du marché. Exactement. Le mot de passe est. Et là, il y a une personne de petite taille qui va te répondre avec un trench coat. Exactement. Va te poser un énigme. J'ai fait ça. Les pires 3 heures de ma vie. J'ai été séquestré. Non, écoutez, c'est un petit marché qui s'appelle le marché Feng Shui, qui est un marché, une mini épicerie. C'est pas près de l'hôtel Delta, ça? Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, c'est bon à l'extérieur, je crois. Je suis daltonien un petit peu. Ah, j'avoue, bonne question. T'as raison. Mais il me semble que c'est pas si loin de l'hôtel Delta. Ouais. Je suis aussi pas très bon en géographie, tu sais. Fait que une chance que c'était aucun pas talent, une... mais non. C'est ça. Mais non, finalement, chercher sur une carte, vous allez peut-être trouver. C'est ça. Écoutez, Feng Shui, tout simplement. Pas l'action, là, mais le marché. Oui. Et il y a une dame là-bas qui travaille là, qui est absolument. Elle est gentille, là. Elle est adorable. Puis on a parlé. Écoutez, je venais pour acheter une canne de jackfruit et je suis resté là pendant une heure. Elle m'a raconté sa vie. Elle a une vie absolument exceptionnelle. C'est une dame qui habitait aux Philippines, qui a travaillé pour le président. Mais voyons. C'est incroyable. Elle change d'histoire à chaque jour. C'est juste que tu sais pas. Quand j'avais 16 ans, je suis dans la jeune école. Les faits. En tout cas, bref, je vous invite à aller faire sa connaissance. Elle est franchement adorable. Elle donne des cours de cuisine aussi. Fait que si des fois, vous n'avez pas encore fait votre cadeau de Noël, puis vous dites, j'aimerais ça, acheter un petit quelque chose de spécial, un petit cours de cuisine. La dame est franchement incroyable. Elle dessine aussi, donc elle pourrait faire votre caricature. Il y a des caricatures sur le mur. Cette femme-là, c'est la Forrest Gump des Philippines, vraiment. Un coup de cœur de ma semaine. Et dans cette épicerie-là, on peut, ce marché-là, on trouve plein de choses qui ne sont pas québécoises, dans le fond. Absolument, absolument. C'est qu'en fait, la dame, d'abord, c'était pas son objectif, c'était pas de s'ouvrir un marché. C'est qu'elle a commencé à donner des cours de cuisine, mais s'est rendu compte qu'à Trois-Rivières, il n'y a pas de produits. Donc, et puis ça fait des années qu'elle fait ça. Et donc, elle a décidé de s'ouvrir un petit marché. Alors, vous allez trouver de tout. Puis, on parlait tantôt de recettes véganes, mais vous allez trouver, entre autres, ce qui est très difficile à trouver aussi, c'est de la poudre d'agar-agar. Qui est un épaississant, finalement, qui va donner une texture gélatineuse. Donc, vous allez en trouver là-bas. Ah, il y a de tout. J'entends parler en bien depuis des années. Ils ont des congélateurs de produits, des armoires, des tablettes. Ouais. Plein de choses, là. C'est petit, mais il y a vraiment de tout. Ouais. Je sais, Mathieu, persuadé, c'est pas de source sûre, mais en même temps, je prends un guess. Tu dois être quelqu'un qui aime le bubble tea. J'ai pas encore honnêtement goûté au bubble tea. La mode est là depuis quelques mois quand même. On les voit sur des affiches, dans des tabagies, des trucs comme ça, mais j'ai jamais osé le goûter. Moi, étant donné mon problème avec la texture gélatineuse un petit peu, je sais pas, ça ressemble à quoi? J'ai tout en peur de m'étouffer en buvant. Ouais. Bon, écoutez, là, c'est sûr que vous pouvez prendre des cours comme apprendre à manger sans s'étouffer. Ah non, mais les bulles, là, ils passent pareil par la paille. Oui, mais écoute, t'as juste à sucer plus doucement, je te dirais, là. Comment je... Une morale pour tous. Mais non, mais tu sais, ce compte naturel. Aussi doucement, là. Je vais noter tes conseils. C'est ça. Mais blague à part, c'est très, très bon. Et là-bas, vous allez trouver justement ces fameuses perles de tapioca. Oui. Non, je vous dis, vous trouvez de tout. Et c'est franchement, c'est un voyage. Vous rentrez là, vous ne sortez pas. Donc. C'est juste dommage qu'on sache pas c'est où. Ben oui, c'est à côté de l'hôtel. Écoutez, là, vous tapez Feng Shui, épicerie, vous allez trouver ça. Le nouveau centre de ceci des congrès. Comment on écrit Feng Shui déjà? F-E-N-G. F-E-N-G? Oui. Ouais. S-H-U-I, je veux dire. Ouais, c'est ça. Pas de cas. Vous êtes pas pire. Feng Shui. Non, Feng Shui, c'est sur la rue Saint-Philippe, messieurs. Ouais. Ah ben c'est bien ça. Exactement. C'est messieurs, dames aussi, directement au 1835 rue Saint-Philippe. Elle parlait pas à elle-même, elle a pas dit messieurs, dames. Ah oui, ok, non, mais moi je pensais aux gens à la maison. Ah, ok, non. T'as bien fait de la radio pour nous autres. Oui, ben oui, mais pour tout le monde, voyons, pour tout le monde. Messieurs, mesdames, messieurs. Et donc c'est ça, c'est deux éléphants. En anglais c'est twin elephants, donc son jumeau en anglais, mais en français ouais, c'est juste ça. Ça c'est la marque. Sinon ce que vous allez chercher c'est le fruit du jacky ou le jackfruit. Okay. Et pour ce qui est des recettes végétaliennes, les recettes qu'on va vous proposer sont très souvent faites à base de fruit du jacky dans l'eau, hein, pas dans le sirop, parce que ça existe dans le sirop et à ce moment-là Martin jubilerait finalement parce que c'est sucré. Hein? Donc dans le jus d'éléphant. Pour ceux qui veulent faire des recettes, on y va avec l'eau pour Martin avec le sucre. puis on rajoute du sucre, puis on va passer une matinée absolument exceptionnelle. À volonté. Manière, chaque bouchée a plus de sucre. On voit qu'il a encore de la difficulté à garder ses yeux ouverts, là, malgré la cuillère de sucre qu'il vient de prendre. Non, c'était négligeable, c'est juste ajouter un soupçon. C'est ça, OK. Un fond. C'est un soupçon. C'est ça. Ben, d'aller juste un peu. OK. Ajouter un soupçon. Ça ajoute. Plus sucré, un soupçon. Ben oui. C'est ça. Ben wow, deux produits excellents. J'ai vu aussi que tu t'es traîné un petit snack pour plus tard. Mais ça, c'est pas un produit que tu veux nous faire goûter là. Ben oui, écoutez, pourquoi pas, tant qu'à ça. Il y en a des lapins dans mon chapeau, c'est incroyable. Mais on a du temps encore pour que je fasse goûter à ça. On a tout le temps, ouais. Bon, écoutez, encore des graines. Allons-y, cette fois-ci avec des graines de citrouille. Graines de citrouille. Et des fois, on se demande où acheter nos graines, hein, parce que le marché végétarien, c'est un... Je m'en ai lâché quoi de malaisant. Non, garde-la là, la ouais, graine. Ouais, c'est bon, regarde. Ça sort pas la graine sac. Après ça, c'est qui Gigi. Il y a un endroit, moi, que j'aime bien, tu sais, quand on est en mode vegan, c'est le marché végétarien, mais il y a une chose qui n'est pas achetable là-bas, c'est tout ce qui est grains, qui est noix. Donc ça, écoutez, j'ai clenché, j'ai acheté le sac chez Costco. Okay. Donc c'est pour ça qu'il fait environ 6 kilos. C'est énorme, demi. Là. Il y a environ 122 citrouilles dans ce sac-là. Alors, je vais vous faire goûter, pourquoi pas. Hey, ils sont donc bien gros. Les grains? Oui, absolument. Mais c'est la graine de citrouille, finalement. Hein? C'est une méchante citrouille que tu as allé cueillir. Oui, absolument. C'est... Je vous invite à goûter ça. Ouais. Vous allez voir, c'est très bon. En bouche, ça goûte un peu le poulet. Ah, non, c'est pas vrai du tout, ça goûte pas. Mais je voulais juste voir les yeux de Martin qui s'illuminent, là, finalement. Ça n'a pas de bon sens. Pour tout le monde, c'est salé. Pour Martin, tu te rajouteras un peu de sucre dessus. Non, et, c'est plus type salé que moi, type j'en ai pris sucré. Deux, là. Et ça, c'est intéressant parce qu'au niveau des protéines, ben, c'est bourré de protéines. Ouais. C'est probablement bourré de vitamines aussi, si je regarde toutes les mentions sur le sac. Facile à cuisiner aussi. Oui, absolument. Ben oui, absolument. Si vous avez encore des vieilles citrouilles ici comme moi, vous êtes négligent et que l'Halloween a été fructueux. Bon. Vous avez peut-être une vieille citrouille devant le portique. Ben pourquoi ne pas la dépiauter et vous faire griller quelques graines encore une fois. Donc, au niveau du goût, ça dit quoi? Oui, moi j'aime ça. Ouais. On y va directement avec les graines. Il n'y a pas d'écailles enlevées. Là. Ah! Non, ben, non. Fais attention à tes dents. On dort bien bonne. Il y en a pas. Oui, mais c'est un peu... c'est assaisonné bon au sein de mer. Oui, c'est bon. Et puis, c'est voilà. Excellent. C'est sans gluten, On grignoterait dans la journée, ça. Mais on dirait que ça goûte pas mon souvenir des graines de tournesol que j'avais quand j'étais jeune. Moi, je t'explique des pourquoi ça goûte pas. Oui. Graines de citrouille, merci. C'est peut-être ça, d'abord. Non, à la base, c'est du problème, non, c'est ça. Exactement. C'était la mauvaise graine. Donc, non, je vais t'expliquer pourquoi ça goûte pas la même chose. Parce que quand tu fais griller tes graines de citrouille, oui. T'as l'écorce qui est encore là. Ah. C'est ça. Et ça, c'est le petit goût acre. Mm-hmm. Hein, quand il faut que tu la croques, puis ouais. T'enlèves son enveloppe comme ça. Et là, ça c'est déjà fait. Exactement. La matinée est fructueuse, c'est incroyable. Hey, mais c'est ça, donc c'est très très bon, c'est très facile à mettre dans son lunch et c'est bourré de protéines. Alors si ça s'ajoute super bien à des soupes, hein? Ah, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Ça fait un petit peu un remplacement de lentilles. Ah oui? Oui. Mais donc, t'as fait, tu trempais avant? Oui, exactement. Okay. Exactement. Super, ouais, super. Un peu comme une lentille. OK, ah oui. Et puis t'enlèves l'écorce, je présume. Oui, évidemment. Sinon, tu craches ta soupe un peu tout le temps. Oui, c'est ça, exactement. C'est un peu moins le fun. Écoutez, offrir ça dans un CHSLD, les gens, ça crache. Des heures et des heures de plaisir. Ouais, c'est ça, exact. Aïe, aïe, aïe. Ils ont le droit à leurs graines, eux autres aussi. Oui. Ben c'est ça. Hey, franchement. Pas parce que t'es vieux, quand. Ben, c'est des choses qui... Encore une fois, on va à tellement de place ce matin. Oui, ça ratatine pas mal. C'est incroyable. Donc, pour faire une... Non, pas celle-là. Hein. On aurait pu la laisser faire, celle-là. Ouais, ouais, ouais. Ben, écoute, si ça arrive, mets de la crème, tu sais. Encore une fois, mini récapitulatif de tout ce qu'il y a sur la table. Oui. Il n'y a plus de place pour autre chose. Petit pudding à la graine de chia. Hein? Pour trouver la recette, googlez. Vous en avez 4 millions environ. C'est un bon exercice de diction aussi. Petit pudding de graine de chia. Petit pudding à la graine de chia. le jackfruit, un fruit à essayer. Vous pouvez l'acheter frais aussi. Ah ouais, okay. Ça va vous coûter une fortune. Ça va vous coûter vraiment très cher. Vraiment, c'est au moins 30$. Il y en a. Parce que c'est énorme. C'est vraiment très, très grand. Vous pouvez en décorer une à l'Halloween. Si vous voulez faire une pierre deux coups. Ouais. C'est moins cher un jackstrap qu'un jackfruit. Un jackfruit, oui, exactement. Mais si tu mets un jackfruit dans tes culottes, par exemple, tu risques d'avoir de la difficulté à te mouvoir. Ouais. Et on a terminé ça avec de la graine de citrouille, de la graine de citrouille qu'on peut mettre apparemment dans les soupes. Tu nous as fait découvrir plein de produits et que tu pensais même pas qu'on allait goûter en onde tellement qu'ils étaient pas faits pour être goûtés en onde. Tu les avais mis pour ton snack de plus tard. Ben là, si ils mangent ça en snack au complet. Ouais. C'est incroyable, mais t'aurais plus faim. Faut dire que c'est quand même, là, je l'aurais apporté quand même à peu près un kilo de. Ouais, c'est ça. Là, on l'entend quand tu mets ça à la table. Ouais, ouais. C'est ouais. fou, là. Ah, oui, ça, oui, c'est oui. les graines de citrouille, madame. Mais toi, tu traînes pas un petit pot, un petit sac, mais tu traînes directement le gros sac. Écoutez, hein, moi, je dirais que c'est plutôt le facteur temps qui a influencé la quantité de. Ouais, ouais, ouais. Normalement, on y va de manière très, très parcimonieuse, là. Une petite pincée, une petite. Parce que c'est extrêmement calorique, encore une fois. Oui, aussi, hein. Vous aviez l'impression que c'est pas de la junk que je vous ai apporté, mais vous venez de prendre 5 livres, là. 250 calories pour un tiers de tasse. Oui, on a mangé deux, on est correct. Ben oui, c'est ça. Tout va bien. Donc, merci beaucoup, Alexandre Lamizwicki. Tu t'en vas bientôt aller travailler. Oui, ça fait plaisir. C'est comme ça. Merci d'être passé. Et ben, au plaisir d'un prochain potluck, les amis. Oui. Je tenterai de vous surprendre encore une fois avec d'autres types de plats végétariens. On hein? a on adore ça. Voilà. OK, oui. Alexandre Lamizwicki, vous pouvez le retrouver une fois de temps en temps à la Luître. Il est arbitre. Allez, l'Université d'improvisation de Trois-Rivières. Wouh! Il est rendu à la Lime aussi. Ben oui. Wouhou! À bientôt, les amis. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Alors, on prend une pause. Au retour, on a de nouveaux participants. Il y a du monde dans la place. Ouais, alors, on revient dans quelques instants. Ça. Aujourd'hui. C'est fou, 89. Vous êtes de retour dans le spécial Une grosse pointe à l'adresse du temps des fêtes avec Mathieu Plante et Tania Baudin. Oh oui, mais plusieurs autres personnes en studio. On a perdu Alexandre Lamizwicki tantôt et on a perdu Martin Lambert quelques instants, je crois. On sait pas, il est passé où? Ben non, mais on a récupéré deux nouvelles personnes. Donc Frédéric Simon qui vient d'arriver en studio. Bonjour à toi. Bon matin. Ça va bien. Ça va bien, vous autres? Ça va très bien. Chroniqueur au Mathieu Plante Show en premier, mais aussi participant à Matière Noire plus souvent et plus longtemps. Oui, mais surtout, bon. C'est, surtout les deux dernières semaines. Oui, la rétrospective de 2017, ça a bien été, ça? Ça a très bien été. Cool. On a aussi, de l'autre côté de la salle complètement, Denis Baudin qui est avec nous dans le public. C'est Denis? Oui, on est dans le public. Il y a un public qui n'arrête pas de me pousser tout à l'heure. Oui, oui, je sais. C'est, puis, c'est un public en délire. Là. Et t'as vu que Denis a pris la chaise au lieu de prendre le divan qui est beaucoup plus confortable? Mais c'est parce que s'il s'assoit dans le divan, relatif, il se lève plus. C'est relatif. C'est relatif? OK, bon, bref. Avant de continuer avec d'autres dégustations, parce qu'on a pour encore un bon 2h30 de dégustation, on va s'écouter une petite pièce. Et j'ai envie de vous faire entendre... Attention, j'ai envie de vous faire entendre une pièce qu'on a reçue de notre directeur musical et directeur de la programmation. Oui! Alain Lefebvre, qui nous a envoyé une pièce par courriel hier. Lui qui nous écoute très fréquemment à l'émission. Mm-hmm. Donc, on est très heureux de l'avoir parmi nous. Et il nous a envoyé... Où est-ce que j'ai mis ça? Oui. Donc, il dit, je n'ai pas eu l'occasion de te souhaiter de belles fêtes avant de quitter ce soir, alors je me reprends. Ah, ben, joyeuse fête, notre directeur ben, musical. Oui. Il dit, je cite, « J'ai entendu à ton émission que tu avais demandé à tous tes collaborateurs de t'envoyer leur chanson de Noël préférée. Bien que je ne sois pas un de ceux-ci, je me permets de t'envoyer une de mes chansons de Noël favorites de tous les temps et que tu pourras ou non diffuser à ton émission. » Évidemment, on va le faire. Ben oui. Et de façon surprenante, il ne s'agit pas de Frank Sinatra. Oh! Ben voyons! Il s'agit d'une chanson des Kinks des années 70 que Cheap Trick vient de reprendre avec vraiment beaucoup de brio sur le nouvel album de Noël, Christmas Christmas, et qui s'intitule Father Christmas. Il dit que le chanteur Robin Zander est particulièrement brillant et le jeu de guitare de Rick Nielsen y est comme toujours génial. J'en profite donc en t'envoyant ce petit morceau pour te souhaiter un très joyeux Noël à toi et ta famille ainsi qu'à Tania. Oh, merci Alain! Et à toute l'équipe, c'est sous-entendu? Hein? Certainement! Quand merci même. Beaucoup! Merci Alain! Ben oui, hey, c'est le fun! Hein? Donc on va entendre cette chanson de Cheap Trick comme ça à 7h37 le matin. Ça va être parfait pour nous, Cheap Trick. Sourcif! nothing while you're drinking down your wine. Father Christmas par Cheap Trick, Assemblage Rocky, une reprise des Kings. Une suggestion, oui, d'Alain Lefebvre, notre directeur musical et animateur de rock classique tous les vendredis. C'est excellent. Absolument génial. Donc, toujours dans le spécial, une grosse pointe d'adresse à notre potluck annuel 2017, du temps des fêtes. Tania est déjà en train d'avoir des petits reflux de café, je crois, c'est ça, d'Amaroula? C'est incroyable. J'ai décidé de ne pas déjeuner ce matin parce que je savais que j'allais manger comme une goinfre. J'ai fait la même chose. Je me suis même habillée en conséquence, OK? Pour pouvoir te lousser la ceinture. Habillée en après-ski, c'est-à-dire que je suis en coton ouaté, oui, puis en legging, juste pour être sûr que je puisse manger à ma pleine capacité. Tu fais bien. Hey. Quelqu'un qui est habillé comme il est habitué d'être habillé quand je le vois à la huître, c'est-à-dire avec son chandail de la huître, c'est Frédéric Simon. Allô. Allô. Qui est toujours avec nous. On a Denis Baudin qui est dans la portion full de notre studio. Il s'est même pas traîné son micro de full. Mais non, il s'est pas traîné. Ben oui, il prend la maroula. C'est ça, prend la Martin Lambert nous a amené quelque chose pour plus tard. Il l'a fait chauffer. Hey, mais ça sent tellement bon dans le studio. Je sais pas si c'est le genre. En tout cas, je peux pas dire ce que ça sent, hein, parce que ça va réveiller des punchs, mais ouais, ça s'en vient tantôt et c'est en forme ronde. C'est incroyable. Et peu profonde. Et peu profonde. Tabarnak. Elle est ronde et peu profonde, elle a une belle personnalité. Elle a un beau visage. C'est ça. Donc, Frédéric Simon va être le prochain à participer à notre dégustation. Lui qui a caché. Denis, t'as pris ton micro? Je te l'ai pas ouvert. Ouais, c'est pour ça que je suis sorti de la cohue. Ouais, ouais, la foule du studio. Donc, Denis, tu vas pouvoir, dans quelques secondes, goûter à ce que Frédéric nous a amené caché par sa tuque. Parce que je ne veux pas voir ton produit tout de suite. Non. Ce produit que je ne saurais voir. Ouf, voilà, belle. C'est caché. Et c'est découvert maintenant. c'est une espèce de tarte gâteau au chocolat au Toblerone. Oh my God! Hey, Toblerone, on s'entend que c'est comme une des choses les plus délicieuses de la vie. Fait que ça répond à deux critères, donc malbouffe et on peut l'acheter facilement à l'épicerie. Okay. Certainement. Je l'ouvre dans le micro. Ça, ben oui, ah, il a compris lui. Il écoute l'émission. Oh, c'est même pas couvert dans la boîte. C'est pas couvert, rien. C'est pas couvert. J'aurais pensé à un petit plastique. On se met la main dedans, puis c'est le même qu'on déguste. C'est vraiment beau, en tout cas. C'est très cute. On dirait un genre de gros biscuit. Je vais le prendre en photo, je crois, Mathieu, vu que David Ferron n'est pas encore arrivé. Monsieur Médias Sociaux. Notre animateur de foule était censé être là. Il y est point. Ben non, c'est ça. On va le faire, moi. Je vais faire... Ouais, c'est ça. Ah, oh, merci. Ben tiens, hey, une chance de un animateur de foule de moi-même. Je vais nous la dire un nom, mais il est... Non, tu peux pas le nommer, celle-là. Tout à l'heure, en m'en venant, j'ai cru comprendre qu'on parlait de la sœur de Giovanni Apollo, qui raconte des histoires de cuisine, mais on n'est pas sûr si c'est vrai, c'est ça. Ah, OK. Nous, ça, on a dit ça? La fille du Feng Shui, hein? La fille du Feng Shui. Le Feng Shui, c'est ça. Les histoires, pas vrai. Ah, oh, Feng Shui, Giovanni. Vraiment. T'aurais dû faire une blague d'Éric Salvaire après. Oh, mon Dieu. Il l'a dit. Elle s'appelle Francine Salvaire. C'est zéro philippinienne. Donc, ça ressemble à un gros Joe Louis, je dirais. T'as le Joe Louis pas mal fancy. Joe Louis Feng Shui, mais ça. C'est ça. Avec des petites cloches de chocolat, on dirait des kisses sur le pourtour. Oui, c'est magnifique. C'est vraiment cute. Jolie baisse. J'espère que ça va pas fondre. Je sais pas. Ben, ça a dû le garder congelé, mais comme j'ai rien pour le couper, je me suis dit, ben je vais le décongeler un peu avant d'arriver. Ouais, t'as rien à mettre pour le couper. OK. Est-ce qu'on a quelque chose pour couper? Est-ce qu'on prend une cuillère? Regarde, Tania, dans mon sac. Vas-y, Tania. Fais tout, Tania. David n'est pas là. Tania va tout faire. Laisse faire, moi le faire, comme on dit. Hein? Donc, non, j'ai un outil bleu que tu connais qui vient de la maison. Ah, un gros couteau de métal protégé par un plastique. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe avec ce couteau. Est-ce que c'est un couteau de Nike parce qu'il y a un crochet dessus? Hein? Non, c'est pas vraiment. Starfrit, Starfrit. Comment dire cette coupe? Bon, mais on va être capable de le couper, ça va être merveilleux, mais on ne sera pas capable de le manger. Non. Mais bon, hein, c'est comme ça, on y va à la bonne franquette, c'est un potluck. Oh, est-ce que oh, c'est difficile à couper? Je te tiens, Fred. Je pense que c'est encore gelé. C'est peut-être encore gelé. Ça va. C'est parce qu'il y a un peu de croquant dans le chocolat. Ouais, un hein? Peu de croquant. Il va avec des grosses pointes, là. Ah, mais je vais recouper à nous. OK. Donc, comme ça, là. OK, ça a du sens. Ça s'en vient, je vous le jure. On peut s'occuper à autre ben chose oui, certainement. Pendant ce temps-là. C'est plein de noix, ça, hein? Oui, probablement. Oui, il y a des amandes. Oui, a des amandes. Oh, je vais vraiment passer. Ah, t'es allergique aux oui. noix? Oui. Ah, pauvre gars. Moi, j'ai pensé, j'ai foulé mon petit spécial de noix, juste pour être sûr que mon père avait signé ses assurances. On a combien les pipennes dans ton sac? Zéro! Hey, je ne l'ai même pas amené. Boswell. Donc, ça s'en vient, je crois. Ça s'en vient. Ça bouge bien. Il nous a fait de très, très grosses pointes. Je pense qu'une bouchée pourrait être assez pour goûter. Oui, c'est okay. Pour alors commencer. On recoupe. On recoupe. OK. Ah, ça a du sens, Fred. Bon. Ça a du sens. OK, on me donne la partie. Merci. Ça se tient bien. C'est très beau et ça sent bon. Ah oui, hein? Ça sent très, très bon. Est-ce qu'on aurait dû être plus prévoyant et s'amener des assiettes? Probablement. Ben, écoute... Mais tu sais, on est de même. On n'est pas très prévoyant. On fait ça au hasard. Ouais, je vais t'en donner une, Mathieu. Ce sera pas bien merci. Long. Merci. Donc, on va avoir le passage de bouffe. La passe du couteau. La passe du couteau. Mathieu prend ça sur une feuille de papier, mesdames, messieurs. On y va avec les moyens du bord. Mathieu a une console de radio c'est à protéger. C'est ça, exactement. On y va avec les moyens du bord. C'est sur un renouvellement d'émission, donc quelqu'un n'aura pas d'émission cet hiver à cause de moi. Ah, c'est comme ça. Bon, je vais y aller avec l'odeur aussi. Est-ce que tout le monde a eu la chance de pouvoir s'en prendre un? J'aurais bien aimé, mais... Ouais, non, toi, non. Tu vas mourir, fait que c'est pas grave. On veut le garder, t'as pas encore fait goûter ton produit. Ah, moi, je sais c'est quoi son produit, vous voulez absolument goûter ça. Ah, pour vrai, hein? Ah, OK, oui. On goûte? OK, on y va. Est-ce qu'il y a de la crème glacée, quelque chose comme ça? C'est très... Oh, la lumière dans ses yeux, là. Il y a du croustillant là-dedans, pas mal, ouais. Boswell, bon, aller courir un demi-marathon, bon. Moi, après-midi, je pense. Très bon. Il y a une pâte en dessous. Ouais. Hein. Ouais. Et le goût de la Toblerone est vraiment là. Mm-hmm. Sans l'aspect de voir casser ses dents à manger. C'est surtout un ça triangle. Qui est plaisant, là. Ça ne défait pas le palais non plus, tu sais, contrairement à une Toblerone. On va se le dire. C'est très bon. Mm. Mais la petite portion que tu nous as coupée est en masse. Ouais, ouais, c'est très, très très. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi finalement la crème? Est-ce que c'est une petite crème champêtre fouettée? Peut-être fouetter, c'est le Deep and Delicious. J'essaie de voir, mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations. Mettons, imaginez un gâteau McCain, ouais, c'est bon, mais ça. De luxe, mm-hmm. Avec des noix. Mm-hmm. C'est incroyable. Mais pas trop de noix, elles sont pas super présentes. Non, c'est non. Ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est franchement bon. Et c'est sans gluten. Ah, en bon. Plus, bon. Hey, y a tout sauf le gluten. C'est avec sucre, avec produits laitiers, avec noix, mais sans gluten. Très bon choix. Faudrait rappeler Martin Lambert. C'est ça, je m'en allais dire. Lui qui était pas content du niveau de sucre dans le pudding au chia d'Alex tantôt serait très agréablement surpris de ce gâteau. Vraiment. Dans le public, bon, Denis n'a pas goûté. Est-ce que Véronique a eu la chance de goûter? Non? Toujours Véronique pas. Véronique est au café. Elle est encore au café, ça fait cherche... comme... Je pense que ça fait 10 minutes qu'elle est au café. Cherche la maroula. C'est ça, cherche l'alcool. OK. Donc, et toi, est-ce que tu t'en prends une autre pointe déjà, Fred? Non, mais je préparais une autre Ah, tu me prépares ça, c'est bon. Ouais. Véronique, viens, préparé viens, pour Véronique. Pas que là, il faut que tout le monde goûte à ça. Va voir Denis, il va te faire parler dans oui. Le micro. Oui, exactement. Véronique, donne-nous ton appréciation du dessert. D'accord, j'y ai pas goûté encore. Non, non, mais vas-y. Moment de dégustation. Oh, elle aussi, elle a les étoiles qui ont allumé dans les yeux. Je pense que c'est quand que le sucre kick in, tu sais. Ouais, ouais. Très bon déjeuner. Très oui, bon ouais, déjeuner. Ouais, hein? C'est ça, avec un petit Pepsi, là, ce serait pas... Mais c'est le style de déjeuner que t'as juste dans le temps des fêtes. Ben oui, c'est sûr. Vraiment okay. Juste dans le temps des fêtes. C'est sûr. Avant un examen, peut-être, ça pourrait être bon. Parce que si tu déjeunes avec ça tous les matins, tu feras pas beaucoup de matins. Non, tu, c'est ça. Tu passeras plus dans la porte. Je remarque que Véronique Mire apporte un chandail avec des petits jewels rouges. Ça fait un petit peu Noël. On se rappelle l'année dernière, elle avait un chandail qui flashait. Qui flashait. Mm-hmm. Donc, je remarque que personne d'autre. Elle n'est peut-être pas allumé encore. Non, peut-être, c'est vrai. Il est peut-être à batterie, il faut peut-être le recharger. Ouais, moi aussi, je suis en rouge, mais je me suis dit, je vais y aller avec. Tout est en lendemain de Noël. Moi, je suis en lendemain, carrément. En après-midi. Moi, je suis juste le sapin. T'es juste le sapin. Ben, il est d'un vert dans l'huître, hein, quand même. Il est ben voilà. Pas mal la couleur d'un sapin. Tiens, on va continuer, on va prendre une petite pause en te remerciant bien sûr pour ce produit-là. C'était très, très bon, Frédéric Simon. On va entendre une pièce de Noël. Monsieur Denis Baudin, qui est assis dans le public en ce moment, allô, tu nous as amené un petit dossier de chansons de Noël. Laquelle fitrait avec le moment qu'on vit en ce moment, là? De c'est celui du gâteau succulent, sucré. Ben moi j'irais avec Ron Rudolph Run. Tu parles de Chuck Berry. 1958 avec Chuck Berry. Ah ben c'est excellent, on écoute ça avec Denis Baudin et toute l'équipe d'une grosse pointe en dresse. À Assemblage requis sur Sifu. C'était Chuck Berry avec Ron Rudolph Run dans Assemblage requis, l'émission potluck annuelle qui se poursuit en ce moment, toujours avec Talia Baudin et Mathieu Plante. Oui. On revient en nombre tout le temps sur les coins de chaises, coins de table. Ça ressemble à ça, en tout cas. Avec tout plein de monde en studio, donc Frédéric Simon qui est encore et toujours avec nous. Oui. Bonjour. Changer de micro en plus. Oui, c'est ça, changer de place. Denis Baudin est toujours en public. Oui, dans le public. Hello. On a accueilli tantôt Véronique Mire. Hello tout le monde. Bonjour, bonjour. Véronique est avec nous pour une demi-heure, 35 minutes environ. Ben oui, mais une bonne. Une bonne demi-heure. Donc, on va te retrouver tout à l'heure pour la prochaine dégustation. En fait, je crois qu'on pourrait passer pas mal à toi. À toi, si t'es prête. On a perdu encore une fois Martin Lambert. Martin Lambert mais nous a laissé son repas chaud. On pense que Martin est parti à la recherche de fourchettes. Ah, mais c'est une bonne chose, ça. Je crois, si je me trompe pas, que la cafétéria est ouverte en exact, ce moment. Exact, fait que je crois qu'il est parti là-bas, mais on sait pas encore. Les gens qui nous écoutent le 21 décembre. Donc, Véronique Mire qui est en train de s'asseoir sur notre belle petite chaise de studio. Bonjour à toi, officiellement. Salut! Salut, salut. Véronique Mire qui fait la chronique La Véroniclopédie. Oui! Assemblage requis, habituellement, les jeudis matins. Ah! Oh, il est revenu. Voilà les fourchettes. Excellent. Martin Lambert au service de tous. Pour vous, avec vous. Oui, voilà. Donc, Véronique Yamir, est-ce que tu nous as apporté quelque chose? Je vois rien entre tes mains en ce moment. Ben oui, c'est caché, caché en dessous de la table parce que je ne voulais pas que vous voyiez l'emballage. Ah, t'es forte. Parce que je n'étais pas là la semaine passée. Ben, en fait, j'aurais pas eu T'étais dans le sud. Mais oui, mais je suis pas chanceuse. Hein, j'étais au Mexique. Ben, c'est vrai, on peut le dire maintenant au passé. Il n'y a plus personne qui va être cambriolé chez vous. Non, t'étais parti en voyage. Et voilà, c'est parti en voyage. Fait que je voulais trouver quelque chose à l'aéroport. Apporter pour le potluck. Fait que peut-être que vous avez déjà vu ça. Mais normalement, ça se vend juste à l'aéroport. Puis là, ben, je dirais pas c'est... Parfum, non? Non! Mais pas de taxe. Il n'y a pas de taxe à l'aéroport. Il n'y a pas de taxe. Non, c'est ça. Pas de taxe. C'est vraiment quelque chose de sucré. On reste dans la même veine. On va mourir d'ici la fin de l'émission. Ah ouais, c'est extra sucre. Qui mélange quelque chose aussi que j'aime beaucoup, qui est plus craquant. Qui est plus craquant. Donc, je vais vous montrer. OK. J'espère que c'est pas un gâteau Toblerone. Non! Ou le gâteau de David l'année dernière. Oui! Hey, ça fait tellement longtemps que je vois ça passer sur Internet. Une barre Milka au Oreo. Oh boy! Puis là, ben, comme vous voyez, j'ai fait des tests de goût. Ouais. OK, elle a enfreint une règle primordiale de ne pas essayer le produit avant, mais on te pardonne. Il fallait pas faire ça. Non. Mais on tape pas ses doigts. Mais j'ai oublié. J'ai tout oublié. Elle savait pas. Donc, le Oreo a l'air d'être au centre d'une barre de chocolat, d'une grosse tablette de chocolat. Une grosse tablette de chocolat au lait. Et ce qui est bien, c'est que leur Oreo est inversé. Le biscuit est au centre et il y a double crème. Ils ont pensé à tout, ils ont vraiment voulu tout faire dans cette barre-là. Alors, c'est excellent. Est-ce que c'est en gros carré? Que ce soit fait comme ça. Oui, c'est ça. Ça ailleurs qu'à l'aéroport? Ben, en tout cas, peut-être aux États-Unis, mais pas au Canada. Non, c'est ça. Ils se vendent dans les aéroports, un peu partout. Oui, j'en avais eu en Irlande aussi. Mais on peut pas trouver ça en épicerie, là, mettons. Non, c'est ça. Non, mais dans les hôtels des aéroports qui sont proches des aéroports, on peut en acheter des fois dans les restaurants qui font la livraison. Okay. Oui. T'as acheté ça avec tes Air Miles, j'imagine. Ben. Ou les Air Loose, ça dépend avec qui elle était. Les Air Loose. C'est quel humoriste, ça, les Air Loose, là? Les Air Loose. C'est Louis-José Hood, ça? Non, c'est pas François. François Morancy. Morancy, bon, tu vois. Ça manque à ma culture. Toi, c'est la barre de chocolat, Milka. Moi, c'est ça. est-ce que c'est des gros carrés? Est-ce que ça se divise bien? Oui, ça se divise très bien. OK. Est-ce qu'on goûte ça? Des fois, ça se divise un peu cassé, mais ben, à un moment donné, le goût va tout être là, pareil. C'est ça. À radio. Et on rappelle que Véronique sait c'est quoi le goût, alors... Ouais. Ah, oui, avec la langue et compagnie. Donc, il y en a amplement pour tout le monde, parce qu'il y en a 16 carrés. Ah, c'est une grosse barre. On est obligé de toutes les manger. Je suis plate. Pas de restant. Maudit. Est-ce que vous aimez les Oreos? J'adore les Oreos. Oui. Qui aime pas les Oreos? C'est ça, qui aime pas les Oreos. Qui aussi prend d'habitude des double stuff? Est-ce qu'il y a assez de crème pour considérer ça comme un double stuff Oreo? On va voir. On sait pas. C'est peut-être juste l'équivalent d'une couche de crème, mais mise sur deux étages. Tu vois que Véronique veut tous les casser avant de les distribuer parce que c'est une fille qui est comme ça, ordonnée. Non. Non, mais elle l'a bien. Je voulais pas mettre tous mes doigts dessus. Frédéric, t'es allé laver le couteau. Mais tu sais, j'ai vu l'instrument. Fou quand même. Les charcuteries. On est équipé. Alors, merci à Dean Bourdin d'avoir amené un couteau. Ça sert à tout le monde présentement. Merci à Fred pour la vaisselle. Oui, c'est ça, exactement. Merci à Canadian Tire pour vendre des couteaux. Ouais. Merci à Starfrit de prendre le même logo que Nike, mais pas dans le même sens. On fait la distribution ici, comme on fait la distribution des cadeaux de Noël. On va essayer de pas l'échapper. Martin, parce que ça vous. On va traverser la salle complètement. Oui, traverser la salle. Je vais prendre le mien. Tu vois qu'en n'ayant pas d'animateur de foule officiel, la foule doit se lever elle-même. Exactement. Attention au fil. Ah, je sais pas s'il y a des. Je sais pas s'il y a des noix là-dedans, par exemple. Je crois pas, non. Il y en a pas. Non, OK. Pas de noix là-dedans. Il a décidé que dans celle-là, il n'y en avait pas. Denis, il fait son aventurier. C'est ça. On veut pas provoquer d'incident, là. Il choisit ses allergies sur ses produits. Là, Denis se l'est déjà mis dans la bouche. Il n'a pas attendu Denis. Personne. Come on. Il a déjà écouté l'émission. Fred aussi. Vous connaissez pas les règles de l'émission. Voyons là. Martin, lui, il attend. Il écoute le jeudi matin. C'est ça. Je dirais que visuellement, la crème a l'air d'être la crème d'un Oreo standard, je dirais. Ah, peut-être, séparé en deux. Ça sent un chocolat au lait, là, tu sais. La grosseur du carré est un petit peu plus grosse qu'un caramel, que je dirais, pour chaque carré. Est-ce qu'on y va, vu tout le monde a goûté? Ben, certainement. Bon. Allons-y. Fred est juste son deuxième. Oh! Trois carrés, puis tu dors dans l'avion. Ouais. Très intéressant. J'aime ça, la texture du chocolat et le croustillant du biscuit. C'est un bon combo. La crème est pas trop agressive. Non. Et le chocolat est au lait. Mm-hmm. Donc t'as vraiment le goût très sucré du chocolat au lait. Ça ressemble un petit peu à des... je sais pas, dans le passé, il n'y a pas eu des Oreos qui étaient dippés dans le chocolat? Oui. Ça ressemble un petit peu à ça, mais le contraire. Pis ça, je savais pas si vous en aviez déjà mangé. Genre, ça, j'en avais jamais mangé, tu vois. C'était bon, ça. Bon. Ouais. Il y en avait aussi, mais c'est celui-là. T'avais qui, ça à l'aéroport? Oui. Bon, Mathieu, va-t'en à Montréal, là. C'est ça. Ça dépend de ton épicerie, là. Est-ce que l'aéroport est commandité par la compagnie derrière Oreo? Peut-être. Cadbury, puis tout ça, là. Cadbury. Mais ça, c'est international. Il y a des produits qui sont spécifiques aux aéroports. C'est spécial, ça. Je savais pas. C'est comme ça. Mais ça vient des Alpes, ce chocolat-là. Ah, ouais. Donc, c'est pas Cadbury, c'est un mix. C'est super exotique, hein. C'est... Tu sais, tant qu'elle était annexée au Mexique, mais elle venait quelque chose des Alpes. Bon. Ben, c'est franchement bon. Vraiment là, excellent. Ah. Mika au Oreo. Délicieux. Oui. Dans le public, on en a pensé quoi? Est-ce que t'as fait goûter à Martin Lambert? Ben, je dois dire que j'étais un peu déçu, ça goûte pas l'Oreo. Non, ça goûte pas l'Oreo. Ça goûte pas l'Oreo. On nous le vend comme un Oreo, ça goûte pas l'Oreo. Moi, je trouve que oui. Non, ben, peut-être que je n'ai pas le goût développé, mais c'est bon, par contre, c'est pas sucré et dégueulasse. Mais c'est sûr que ça goûte plus le chocolat que ça goûte le biscuit Oreo. Fred, je suis déçu pour ça. Dans l'Oreo, ce que je préfère, c'est aussi le biscuit et non le crémage. Ouais, mais le chocolat est vraiment délicieux. Donc, moi, c'est vraiment plus la crème et je dois dire qu'elle est en effet plus présente que le biscuit. Mm-hmm. Je sais pas pourquoi, mais sûrement que le chocolat est très sucré. C'est du chocolat Milka, donc j'imagine que leurs barres ont tendance à être sucrées à l'habitude. Je sais pas. Chocolat au lait, à la base, je m'allais dire chocolat au lait, là, c'est très sucré. Mais je trouve que ça goûte la vanille de la crème d'Oreo. Mais c'est drôle, elle a pas, quand tu la regardes, c'est pas la même couleur que la crème d'Oreo habituellement. On dirait que c'est plus beige jaunâtre. Oui, non? Tout à fait. Ouais, mais elle est entourée de lait au chocolat, Mathieu. Ouais, mais la crème est supposée être quand même la couleur de Oreo. Mais tu trouves qu'elle ressemble pas à la crème du Oreo? Un petit peu, c'est vraiment blanc, la crème d'Oreo. Ben, il y a des morceaux qui sont détachés avec juste de la crème dessus, puis tu vois que... Tu sais, je sais pas si tu vois... Oui, caméra 3. Oui, non, elle, elle semble quand même assez blanche. Ah, d'accord. Mais c'est vrai qu'elle est un petit peu plus pâle... plus jaune. Ouais, plus jaune. On a vu que Martin Lambert, qui est déjà... il est en train de préparer sa dégustation de tantôt. Certainement. Martin Lambert s'est créé la réputation du gars négatif. Fait qu'on va voir si ça va continuer. Ouais, le gars négatif. C'est pas assez sucré, C'est comme le Simon Cowell. C'est le Simon Cowell de la grosse pointe en dresse. C'est bon, ça. Bon. Donc, voilà pour ça. Merci beaucoup, Véronique Mir. Ben, ça fait plaisir. Tu restes avec nous un petit bout? Oui. Génial. Hey, c'est sûr, il y a de la bouffe, moi, j'ai. Tout à l'heure, on va retourner. On va aller voir Martin Lambert pour sa dégustation avant que ça devienne trop froid. Denis Baudin? Oui. Alors, viens nous suggérer une autre chanson dans ton dossier. Oui, s'il vous plaît. S'il te plaît, une chanson de Noël qui va fitter avec encore du sucré. J'irai avec Santa Claus is Back in Town de Joe Bonamassa. Ça fait plaisir à notre co-animateur Steven Hubert. Steven Hubert qui peut pas être avec nous en ce moment. Non, il y a des obligations professionnelles. C'est celui qu'on appelle chroniqueur par la bande. Par retraite, lui, hein, Bourdin? Non, il est pas à la retraite. Alors, écoute, Joe Bonamassa, Santa Claus is coming to town. Vous êtes dans le spécial. Une grosse pointe d'adresse. Assemblage requis. Sack on my back, you're gonna see me coming with a big black Cadillac. It's Christmas time, pretty baby, and the snow is falling down. Well, you've been a real good little girl. Santa Claus is back in town. Christmas. your stockings, turn out all the lights. Santa Claus is coming down to your chimney tonight. Oh, yeah. Assemblage requis, c'était une suggestion encore une fois de Denis Baudin qui est dans la foule en ce moment. Denis Baudin avec Frédéric Simon, les deux sont encore là. Les autres sont partis quelques secondes. Une est partie laver un couteau, l'autre est partie faire pipi. Puis l'autre est parti à quelque part d'autre, c'est Martin Lambert. Tania cherche le micro-ondes. Tania cherche le micro-ondes qui est dans le bureau au fond. Quand même, on joue à une grosse pointe d'adresse ce matin pour toute l'émission. On prend une pause et on revient avec plus de dégustation. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou. 89.1. Annuel 2017, une grosse pointe d'endresse à Assemblage requis, toujours avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ok, oui, on a toujours aussi Frédéric Simon qui est avec nous. Caché dans le coin, oui. Caché dans le coin, c'est ça. Mais qui a fait quand même l'effort de venir dès le début de l'émission, presque. Oui. Merci à toi. Ben, une chance que ma blonde se levait ce matin. Ah, on la salue. On salue aussi Denis Baudin qui fait notre animateur de foule temporairement pendant David n'est pas encore arrivé. Oui, David est pris dans le trafic. Ça doit être ben ça. Ben oui, ça doit. Dans la cohue, il doit être en arrière de la file qui attend pour manger. Et Véronique Mire qui est aussi avec nous, elle qui a pris le divan avec Martin Lambert. Merci de prendre le divan. Présent. Le divan qu'on a retrouvé, hein, qu'on n'a plus depuis comme le début du mois de septembre. Que Mathieu et Tania ont transporté eux-mêmes sur leurs bras. Mathieu et Tania, on est là pour le journalisme d'enquête sur le terrain pour trouver ce divan. Pour ne plus le perdre, vous avez mis des logos dessus. Ouais, c'est moi ça. Ça plaise. Ouais. On veut pas le perdre une autre fois, on l'aime tellement notre beau petit divan. On l'a perdu pendant comme 4 mois. Ouais, sérieusement, depuis le début du mois de septembre. Où l'avez-vous retrouvé? Dans le 10-12. Ouais. C'est parce que quelqu'un l'avait emprunté pour le show de la rentrée en septembre. Et il n'y avait pas de logo dessus, il n'y avait pas de nom, donc personne ne savait à qui le remettre. Donc ils l'ont mis à entreposer, j'imagine, dans le 10-12 ou à quelque part de proche de ça. On a demandé au gérant de la chasse-galerie, Jonathan Cossette. Exactement, puis un jour de 24 heures d'études en fin de session, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient assis sur des divans. C'est drôle, hein? Je suis venu voir Mathieu, puis je dis d'après moi, notre divan il est là-bas. Travail d'équipe, pas mal pour ça. Félicitations à nous. Ouais. Journaliste de terrain, journaliste c'est de terrain. C'est ça, Zone Campus présente. Alain Gravel, palais se cacher. Alain Gravel. Wow. Journalisme de brousse. C'est ça. Hey, vous savez, on fait du journalisme d'enquête, mais des fois, ça nous arrive peut-être de boire près de l'emploi. Pas boire à l'emploi, mais près de l'emploi. Ouais. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Genre mardi soir? Non, plus loin derrière. Plus loin derrière? Est-ce que Denis, ça te dit quelque chose, boire près de l'emploi? Est-ce que ça te dit quelque chose? On a déjà bu près de l'emploi part. Oui. Dans Très Blues, dans Très Blues, assez fou. Je m'en rappelle comme c'était il y a genre un an et demi à peu près. Ouvre-toi pas un extrait. Mathieu Plante et Tania Baudin, les animateurs du matin. Hey, il est rendu tard. Sous l'influence. Exactement. Vous êtes ici pour nous parler du rendez-vous des microbrasseries. Puis je viens tout juste de goûter leur noir. Je tiens à le dire, 95% de cacao. Ça goûte aussi le café. Mais là, ma mère, parce qu'elle est présente, elle adore les bières, m'a fait remarquer que ça goûtait aussi la sauce à côte levée. Un petit barbecue dedans, oui. Sauce à côte levée, oui. Buckel. La sauce à côte levée. Mon père aime le porno et les côtés. On parlait du Porto, Tania. Ah, c'est Porto. Ça, le Porto. Ah oui, c'est ça. Le Porto. Ah ouais, c'est ça. C'est frais dans ma mémoire. C'est le Porto, ça. Pas le porno. Oh my God. Un des meilleurs moments de radio qu'on a vécu ensemble. Je pensais que t'avais oublié d'aller le rechercher. Ben voyons donc. C'est la seule affaire que j'ai fait cette semaine. Oh wow. Merci pour ce moment de radio qui était si malaisant. À Très Blues, ça c'est fou, les jeudis soirs. Ça continue par les fêtes, Très Blues, avec des reprises, hein, quelque chose ouais, comme on ça. On est ouais. en rediffusion et on fait. Revient le 11 janvier. 11 janvier. Une émission originale. Ooh. Magnifique. Donc oui, toujours à cette émission matinale spéciale, donc d'une grosse mot d'adresse, notre potluck annuel. Et Martin Lambert est arrivé avec comment dire, son test culinaire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et qu'il a caché dans le coin, sa cuisson. On veut savoir vraiment, Martin, comment tu as réussi à faire cuire ça sur le campus universitaire. Ouais, ben, fourneaux. Il y a des petits fourneaux à l'association générale. Fait, j'ai demandé qu'ils me le prêtent. Puis tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai parti puis je l'ai mis dedans. Un petit fourneau, ouais. C'est une grosse affaire, ton affaire, hein? Wow, ouais, on peut dire. Non, mais c'est. Ben, comparé à c'est d'autres. C'est plus gros qu'une barre de chocolat ou le gâteau. Plus gros qu'une boîte à pain, comme on dit, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que j'ai emprunté le petit four à l'association générale, j'ai fait cuire ce matin. Ce matin. Est-ce que ça tente de prendre ça et de venir nous rejoindre à la table? Je continue à jaser, je vais vous les servir, puis après ça, je vais aller vous rejoindre. T'es certainement. Ouais. Martin Lambert, les services aux étudiants. Qui travaille dans le même pavillon que nous, dans le pavillon à la vie étudiante, qui se donne, c'est son... Il a tout le temps hâte à chaque année, il nous en parle pendant des mois avant que ça ait ben lieu oui. de cette émission spéciale-là. Parce qu'il faut qu'il se prépare à l'avance, Martin. Oui, on... Il pense à son menu. Il a amené des fourchettes ou... Oui, je crois que oui. Il en a trouvé, en fait. Ben, quand même, il est rempli de ressources, hein. Exactement. C'est comme ça, les services aux étudiants. Et le GEQTR, ça s'entraide et ça a des ressources. Hein. Ben oui. Donc, on a toujours, je rappelle, Frédéric Simon, on a Véronique Mire, on a Denis Baudin, on a Martin Lambert, toi et moi, Tania, on est là pour encore, je dirais, un bon 2 heures, un bon 1h45 ensemble. Exactement. On attend plein d'autres mondes qui s'en viennent. Entre on Stéphanie espère, Paradis dis-moi. Va être là. Oui, David Ferron devrait arriver éventuellement aussi. Plein d'autres gens qui ont dit qu'ils allaient venir à l'émission d'aujourd'hui et on a très hâte de tous les voir. Attention, il y a une théorie ici pour l'absence. Véronique Mire. Ah, ouais, théorie. J'ai une théorie, je pense que David a découvert les plis du drap contour. C'est pris là-dedans. En fait, connaissant David, il y a de fortes chances que ça se peut. C'est sûr. Il va sûrement avoir un oreiller détempé d'en face s'il arrive éventuellement. Aussi. Hein? Ça où il cuisine quelque chose comme l'an dernier. C'est possible. Il nous a dit que l'an dernier, il avait beaucoup, beaucoup trop mis de budget sur son gâteau. Fred en a fait une allusion tantôt. Oh là. Il y avait des whippets là-dedans. C'était un diabète en assiette. La confiture, je pense. Ouais, vraiment. La vidéo est encore sur la page Facebook d'Assemblage Requis si ça vous intéresse d'aller voir le gâteau que David nous a fait et qu'il a donné à l'AGEQTR. Je sais pas si les services aux étudiants ont eu l'opportunité d'en manger une pointe ou deux. On demandera à Martin tantôt, mais Caroline. C'était un gâteau à 30$. Incroyable. Pendant que Martin Lambert livre la marchandise... Ça sent bon. Oui, hein? Allons attendre une pièce que... C'est-tu la mienne, moi, ça, Martin? Je vais me plier aux règles, je vais attendre que vous me dites. Oui, attends un peu. Mon là. Dieu! On va écouter une pièce que Tania a choisie, je crois. C'est celle de Brad Paisley, n'est-ce pas? Exactement. Ça vient juste d'arriver. Oui. Tania a choisi, ça doit être du Dolly Parton. Mais non, c'est du Brad Paisley. C'est Santa Looked a Lot Like Daddy. Oh, papa! Tu ressembles au Père Noël? C'est un compliment, ça. C'est une grosse pointe dans le reste dans l'assemblage, Ricky. Well, Santa looked a lot like Daddy. Her daddy looked a lot like him. It's not the way I had him pictured. Santa wasn't much too thin. He didn't come down the chimney. Mama must have let him in. Santa looked a lot like Daddy. Daddy looked a lot like him. They thought that I was fast sleeping. They thought that I was tucked in bed. They never thought I'd come a-peeping or that I'd hear what was said. Santa put his arm around Mama and Mama put her arm around him. So if Santa Claus ain't Daddy, then I'm not gonna tell on them. Well, Santa looked a lot like Daddy. Daddy looked a lot like him. It's not the way I had him pictured. Santa wasn't much too thin. He didn't come down the chimney, so Mama must have let him in. Santa looked a lot like Daddy. daddy looked a lot like you. Sleigh bells ring. I never saw the red-nosed reindeer like the show on the TV screen. But he sure brought lots of presents, so Santa Claus he must have been. And he sure looked a lot like Daddy, or Daddy looked a lot like him. Well, Santa looked a lot like Daddy, or Daddy looked a lot like him. It's not the way I had him pictured. Santa was much too thin. He didn't come down the chimney, so Mama must have let him in. Well, Santa looked a lot like Daddy, or Daddy looked a lot like him. Fait dire merci d'avoir fait ouais? ça. Ok, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Brad. Toujours dans une édition spéciale d'Assemblage Requis, c'est une grosse pointe à l'adresse. Toujours avec Frédéric Simon, Denis Baudin, yes. Véronique Mire et Martin Lambert qui vient de prendre place autour de notre merveilleuse table carrée à souhait pour nous présenter quelque chose de rond. Triangulaire, mais. Ouais, là, c'est triangulaire, exactement. Ouais, bah, un peu, là, à la base, ça c'était rond. Ça détend un peu depuis le début de l'émission. On était dans le sucré, on s'en va dans le salé. Ouais. On avait du chocolat, on est dans la pâte. Alors, faut être honnête, là, Poulet Saint-Hubert m'a beaucoup aidé à, à confectionner la tarte. C'était la question de Tania à la base. Ouais. C'était oui, un pâté. Ça, un petit peu le. Un pâté rond, hein. Suspense, oui. Exactement. Là, c'est une tarte au. À viande? Une tourtière à viande, exactement. Mais fait, moi, j'aime bien le sucré, le salé. Alors, je vous présente ça. Puis le matin, quand est-ce qu'on mange une tarte à la viande? Quand est-ce? Rarement. C'est ça, rarement fait que ben, le lendemain d'un party, ça pourrait arriver. Gâtez-vous goûter, mais c'est la meilleure tarte en ville. Fred a déjà fait ça, manger de la tarte le matin, non, du party. Ah ouais? Non? Mathieu, faut que tu goûtes, là. Ça se peut. Oui, non, j'arrive. Oui. C'est quand même un pâté assez épais. Oui, quand même. J'ai apporté aussi pâté à la viande ou au poulet, s'il y en a qui préfèrent. Ah ouais. Fait que là, vu que t'es Martin Lambert, le gars négatif depuis le début, il faut que je remplisse ton rôle en disant, ben là, c'est parce que c'est quoi, t'as pas de ketchup? Oh mon Dieu. Y'a pas de ketchup là-dedans, rien? Ah, là, tu me jases. C'est Noël. C'est à quoi? À viande, là. À viande, ouais, c'est là. Plusieurs viandes. Aussi au poulet. Ouais. Mais c'est Noël, donc je me mets un petit peu dans le bain. Mm-hmm. Dans 4 jours, on fêtera, donc... Et quand j'étais jeune, je détestais le pâté à viande. Ouais. J'ai essayé ça. Maintenant que t'es vieille, maintenant que je suis vieille, là, j'adore ça. Ah oui, OK, c'est ça. Est-ce que t'as la boîte avec toi? Pour savoir... non, j'ai la boîte. Mais j'ai apporté juste les ingrédients. Juste les ingrédients pour vous dire que c'est 350 calories par un huitième de tarte, donc c'est à peu près ça qu'on mange. OK, parfait. Donc 350 calories. Et puis, pratiquement pas de gras saturé à 46%, presque la moitié de la tarte, mais faut pas s'en faire. Faut pas s'en faire, c'est ça. T'as déjà mangé la moitié de la tarte. C'est aussi négligeable, mais quand on mange du sucre depuis le début de l'émission, ça, on a déjà 18, on se mettra 18% en arrière de la cravate pour la journée. Alors, les glucides, négligeables, 7%. Et pour le reste, ça variera entre 0 et... Ah, il y a du fer. Ah, il y a du fer, c'est quand même bon, quand même bon, 5%. Tania, ça a l'air bon parce que je dois manger avec appétit. Ça se mange tout seul pour vrai. C'est excellent. Moi, je suis vraiment plus salé que... Ah, moi aussi, c'est ça, c'est en plein ça. Moi, j'ai déjà mangé ce pâté-là au complet en un supplé. Il n'y aurait pas de restant. J'ai pas misère. Bref, je t'écoute parler depuis tantôt, puis tu mangerais tout au complet. Oui, c'est vrai. Oui, tu te frappes les mains à chaque fois qu'on sort le repas. C'est ça. T'en rends pas compte. Mathieu, il est tassé à chaque année parce qu'il mange pas sinon le reste c'est de ça. L'année. Alors, l'an passé, les chicken wings, cette année, c'est le pâté pâté. Oui, ouais, faut dire, là, tu nous as amené l'année passée des ailes de poulet que tu avais fait à la main. Là, oui, c'est oui. Ça. Hein? En plein. Oui, c'est ça. Comme tu ça, un mensonge. Ben, lui, je suis allé le chercher. Ça quand même. Ah, ok, ok. C'est le même temps de préparer que d'aller le chercher. Tu as participé aussi à notre édition spéciale estivale avec. Tu avais amené de la pizza. Est-ce que tu l'avais fait à la main, la pizza? Il me semble que. Non? Non, non, c'était pas de la délicieux ou quelque chose comme ça? Je me souviens pas. C'est pas de la livraison. Mais ça, c'est ça. Moi, j'ai livré la pizza seulement. C'est ça. Ouais. Wow. Mais c'est bon. Mais très bon, très bon pâté. J'en ai encore mangé. Tu l'as bien cuit. Zéro. Mm-hmm. Parfaitement cuit. Tu l'as mis combien de temps et à combien de degrés? 350, 45 minutes. C'est standard à 350 quand tu sais pas à quoi le mettre. C'est ça, c'est en plein ça. Ça, c'est le défi pour moi, là. Je pense que Véronique veut dire quelque chose. Ça fait chauffer. Véronique? Ben, je voulais donner un petit break à Denis. Je me suis dit, tiens, je vais prendre le micro. C'est fine, l'entraîne ici. On se bourre les babines et le ventre et tout ça. C'est très savoureux. Ouais, vraiment. Très, très bon. C'est rempli de saveur. Pas tant besoin de ketchup, je dirais. Non, non, non. Non, je sais ça. Je sais pas être négatif quand même. Il est bien juteux. Est-ce que vous êtes plus Saint-Hubert ou plaisir gastronomique? J'aime bien aussi, des fois. Moi, je suis plus... maison. Mais oh! Ouais. Est-ce que tu as entendu, maman? Merci, Tania. Ça fait plaisir. C'est plus spécial. Spécial donc, comment? Ce qui est en spécial. Ben, c'est un maudit bon point parce que moi aussi, mes pâtés, j'ai pas tout le temps spécial. C'est vrai. C'est cher, sinon, un pâté, tu sais. Sinon, il y en a des mini, hein. Je sais pas si vous êtes au courant, mais ça se vend, là, si vous êtes portion individuelle. Ouais. Parfois, c'est vraiment le fun pour pouvoir manger en lunch c'est aussi. C'est ça. C'est pas super avantageux côté financier, mais ça mais fait ça dépend. Ils viennent souvent plus en spécial, ceux-là, que les gros. Mm-hmm. Pensez-y. Merveilleux avec deux œufs bacon. Ben oui, c'est ça. Mon père prend des mini pâtés avec ses œufs, lui. Ben oui, mais c'est un le matin. C'est un gars de brunch. C'est un gars de brunch. Ouais, ouais, vraiment. Est-ce que vous avez goûté au brunch de la cafétéria ici? Non. Ben, c'est excellent. Continuez à ne pas le faire. OK. C'est excellent, c'est Mathieu. C'est la tomate qui se démarque. Là, c'est ça. Mais Caroline, pour vrai, Martin Lambert, t'as l'avis contraire du consensus à chaque fois. Ben non, c'est juste pour susciter la conversation. Parce que on va se dire, on va en parler, le brunch. Si tout le monde dit c'est bon, on crée pas de conversation. Ben, t'as raison. Bon. T'as raison, c'est comme un débat politique. Oui. Hein. Pareil. On est en famille en ce moment, on est en famille, on peut ça. Parler de on religion. D'accord. Oui, on peut, on peut. Un contresens. Donc, parlons de Sodexo pendant qu'ils sont encore ouverts pour quelques jours pour ceux qui écoutent en direct le 21 décembre. Le brunch, c'est des crêpes congelées. Oh, wow, ça commence bien. Okay. Des beans réchauffées. Oui. Hein? Du bacon, quand même, ça va. Ouais, ouais, ouais. Des patates déjeuner. Ouais. Les patates sont bonnes. Ouais. Les crotons sont quand même bons aussi, il me semble. Il y a des crotons, ça. Oui. Qu'est-ce qui manque d'autre dans mon... Ah, des saucisses. Des œufs. Mais il manque la petite salade et la tomate. Ouais. Je sais pas si y a ça dans le brunch. Ah oui, il y a ça, la salade, la tomate. Mais je pense qu'il faut que tu le demandes parce que toi, ça vient tout avec des tranches d'orange, Mathieu. Ouais, t'as raison. Ah. Ils ont des grosses assiettes juste pour le brunch à la cafétéria. C'est... Tu t'en sors pas en bas de 11-12 piastres, mais quand même. Non, c'est ça. Ben, c'est comme un brunch normal. Ben oui, c'est ça, de ça. 11 piastres quand même. Ben oui, mais là. Hein? C'est pour la tomate, Martin, c'est ouais, ça. Ouais, oh, 16 ans, oh, 16 ans. pas tout à fait rouge, des fois, la tomate. Non, hein, tu as tiré sur le verre une couple de fois par année. Véronique Mir qui est avec notre nouvelle invitée en ce moment, Alex Marchand. Eh oui, Alex Marchand. Pour Alex, il me prend au moment où j'ai la bouche pleine. Ben, on veut savoir ce que tu en penses. Hey, c'est celui au poulet, je pense que lui a. Ouais, il a pogné celui au poulet. Mais c'est celui-là qu'il fallait que je commence ou. Ben, nous, on a tout à la viande. Non, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Le poulet est excellent, je vous le recommande. Mais là, Alex, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu fais ici. Si bonheur. C'est pas sorti question. Hier? Non, ben oui, mais je me suis couché tôt. OK. Puis j'ai cuisiné de quoi, je me suis réveillé tôt plus. Ouais? J'ai utilisé mon four. Pour la première fois. Ça sentait tu sais, qu'elle allait refaire réchauffer. Non, j'ai utilisé depuis le mois de septembre, depuis le mois de mai à peu près, ouais. Ouais, on progresse, mais là, j'ai quelque chose de bien pour vous. C'est encore caché en dessous du papier d'aluminium, mais personne. Est-ce que tu es en train de dire, Alex, que tu veux compenser pour tes nombreuses absences à ta chronique, ça? Non. Non. Dis-le pas en nom. On doute. T'es fin, Alex, on t'aime pareil. Mais oui. Ben oui. Donc, on va goûter à son produit tout à l'heure. On a encore toute l'émission devant nous. Par exemple, si c'est chaud, ça sort du four, je vous recommande de ne pas attendre trop longtemps, ben, sinon vous allez manger frais. Parce qu'avec Martin Lambert, on a vraiment attendu vraiment que ce soit le plus température. Mais non, mais attends un peu, il était pas chaud, là. Il était rendu tiède, un peu. Non, mais Mathieu, il mange c'est bouillant. C'est vraiment négatif, Mathieu. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit, Tan? J'ai dit Mathieu, il mange bouillant. Oui, j'adore ça bouillant, oui. Ah, alors. Tania, elle se brûle la langue tout le temps quand elle boit son café, fait que tu peux pas vraiment parler. Non, c'est ça. Mais moi, moi j'aime ça, température pièce, tu sais, mettons. Ouais, c'est ça. Bon, donc, hey, tout le monde est, est en feu ce matin. On a beaucoup de plaisir dans ce spécial Une grosse pointe tendresse. On va retourner à Denis Baudin quelques instants pour entendre une pièce suggérée par Nise, ta co-animatrice. Nise Bourgeois, oui. Sac au Co-animatrice. Oui, Saco-animatrice. Saco-animatrice. C'était qui? C'est son caméraman, Eric Salvez. Son caméraman. On rappelle que nous, on fait une émission de blues. Oui, les jeux de soir. Oui, les jeux de soir. Ça s'appelle Très Blues Assez Fou et on va vous faire jouer une autre pièce de blues ce matin qui s'appelle The Bluesman Christmas par Coco Montoya. Ah, tout de suite, dans une grosse pointe tendresse. À son large requis. By the TV light, someone walks past my room, whistling Silent Night. The moon's on the rise, and it's silent all right. Here at the highway, down at the club, everyone is feeling fine. The band set to hit about 9:15. It's all friends and family, but none of them mine. 'Cause I'm on the road again. It's a blues man's Christmas. Everyone is just the same. Blues man's Christmas. Still trying to build my name. Blues man's Christmas, 'cause this is what I do. Let me play the blues. Let this be my gift to you. Oh woman, I know this is hard on you too. I'm not there to spend Christmas with you. But when I come home, girl, you've got loving to do. Please won't just say it's alright, 'cause you know I believe, and I hope and I pray, that all of this work gonna pay off someday. And then you and me, we can just fly away. Please kiss the babies goodnight, 'cause it's a blues man's Christmas. Everyone is just the same. Blues man's Christmas. Still trying to build my name. This is what I do. Let me play the blues. This will be my gift to you. Mm-hmm. Marco Montoya avec Bluesman's Christmas. C'est la suggestion de la co-animatrice de Denis Beaudin. Oui, les bourgeois, je vous rappelle que l'album de Coco Montoya fait partie des albums les plus vendus aux États-Unis dans la dernière année. Ah, ben ça, génial. On adore, merci pour la plug. Ben oui, absolument, et tant qu'à avoir des plugs, on va plugger encore une fois, très blues, ça c'est fou, c'est les jeudis soir à 19h. Le jeudi de 19 à 20h, 22h, et en rediffusion le dimanche de midi à 15h. Absolument, sauf pendant... ça va être rediffusé pendant les fêtes aussi. On va rediffuser à quelques reprises, si j'ai bien compris. Oui, c'est votre spécial de Noël qu'on va rediffuser. Oui, effectivement. Cool. Je pense qu'on sert à faire du remplissage. Ouais, pas mal, ouais. On sert tous à ça ici. 25 décembre, donc ça va rejouer en après-midi. Très blues, assez fou. On prend une pause et au retour, plus d'une grosse pointe dans le reste. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Tendresse d'assemblage requis. C'est le potluck annuel 2017 en ce moment. Et plein de monde en studio avec nous. Frédéric Simon est toujours là. Ben oui, je t'accompagne. Ben oui. On a Alex Marchand qui est là. Allô. Allô. Denis Beaudin qui est parti servir à boire. Véronique Mire qui est debout sans micro, malheureusement. David Ferron vient d'arriver, donc on va lui parler tantôt. Martin Lambert. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ouais, c'est pas tout le monde qui a un micro, que voulez-vous. Hein? On n'a pas une ressource illimitée de micros. J'ai vu que Alex Marchand t'a amené quelque chose enveloppé dans du papier d'aluminium. Oui, parce qu'il faut que ça reste chaud. C'est ça. Est-ce que tu veux nous dire la catégorie de produits que c'est, mais sans trop dire d'indices? Mettons catégorie déjeuner, mais réinventé comme un dîner souper. Oh! Intriguant. Hein? Ouais, quelque chose qu'on a jamais mangé. En tout cas, moi, je l'ai jamais essayé. Il y a des gens qui l'ont tenté, mais jamais de cette façon-là. Ouais. J'ai hâte de voir si ça va marcher. Il y a peut-être une bonne raison pour que personne ne l'ait jamais fait. Soit c'est excellent, soit c'est pas mangeable. On va le découvrir ensemble. Première et dernière fois. Talia Beaudin qui est avec nous aussi. T'es parti faire réchauffer ton produit, toi aussi? Exactement. Pas ton produit, ton plat. Oui, exactement mon plat. C'est ça, il faut dire les choses par leur... les appeler par leur nom. Un plat Tupperware. Rose. C'est ça, c'est pas mal ça. Ce qui se trouve à l'intérieur, par contre, vous allez voir. C'est ça, on a plein d'autres choses à goûter. Plein de gens qui vont arriver aussi avec nous plus tard à l'émission. On est une bonne dizaine à l'émission aujourd'hui. Je pense qu'on est dû pour goûter quelque chose encore. Par quelle direction est-ce qu'on devrait aller? Est-ce qu'on y va avec Alex Marchand? Je pense qu'on pourrait faire ça. Pourquoi pas? Okay. Alex Marchand? Il y a juste à déballer. Puis c'est Alex, tu peux venir t'asseoir ici si tu veux. Ça va peut-être être plus facile pour toi, considérant le fait que tu dois déballer. Donc, on prête le micro de foule. Micro de foule qui est rendu du côté de Véronique Mire. Et me voilà. C'est ça. Salut, Véronique. Et là, Alex qui parle un peu ça, de... ça, c'est presque dévoilé. C'est ça. Presque. On y va avec le dévoilage du le dévoilage. Plat en question. Oh my God. Tout pour insérer AGE dans son affaire. 3. Oh! Il y a mon ingrédient spécial dans le milieu, de la sauce à pizza. OK, parce qu'on dirait de la salsa, c'est de la sauce à pizza. Oui, exactement. Original. Est-ce que ce sont des mini-pizzas? Ouais, écoutez, j'ai pris un moule à muffins, j'ai mis des œufs dans le fond que j'ai fait cuire. Après ça, j'ai pu mettre mon truc à pizza une fois que les œufs étaient comme durs. Ça a été long, la cuisson a été difficile. J'ai mis du pepperoni, du fromage, puis on a une des pizzas déjeuner pour tout le monde. Ben, c'est donc, magnifique. Oh, wow! C'est cute! Super, c'est ça! Donc, et la présentation est vraiment belle. Tania, tu veux prendre une photo du... Oui, certainement. De l'avant. Je vais faire ça avec plaisir avec Alex derrière. C'est merveilleux. Le beau petit pot. Voilà, merci. De sauce pizza. Je vais procéder à la distribution des offrandes. Moi et Martin, disons que nous n'avons pas eu de photos de nos plats. Non, c'est ça. Non, non, mon Dieu, c'est vrai. Que on s'excuse. C'est parce qu'en temps normal, c'est pas moi qui fais ça. Ça. David fait dire qu'il s'excuse. Merci, merci Alex. David Ferron qui est arrivé, donc il va pouvoir participer avec nous très bientôt. Oh! C'est joli, ça a l'air c'est de... C'est très, très joli. Comment est-ce qu'on pourrait dire que la pâte a l'air? On dirait une petite pâte à... En fait, c'est des œufs. Il n'y a pas de pâte. Ah, il n'y a pas de pâte. C'est des œufs qu'il a dit. OK, je pense qu'il y avait des œufs dessus. Non, non, non, il n'y a pas de pâte. Merci beaucoup, Alex Marchand. Denis est curieux. C'est très joli. Il a séparé les morceaux en deux, puis j'ai pris les deux morceaux. C'est ça. Fallait pas faire ça. Bon, tout le monde en a un. Tout le monde en a, j'ai pas fait exprès. Hein. Est-ce qu'on y va? Oui, on y va. Allons-y. 3, 2, 1. On va voir si ça passe, si ça casse. Ben, Alex, ça passe. Ça passe très bien. Mm-hmm. Je sais pas pourquoi ça n'a jamais été fait avant. C'est officiel. McDo va reprendre la... Ça passe, ça passe. Ça passe très bien, ouais. Ouais. Alors, ça goûte les œufs, évidemment. Hein? C'est évidemment, c'est des œufs. Juste l'année poivrée, j'ai rajouté un peu de lait pour que ça l'épaississe un peu aussi durant la cuisson. C'est à peu près, ça m'a pris 40 minutes, mais j'arrêtais pas d'ouvrir le four parce que je voulais être sûr que ça cuit pas trop. Toi aussi, hein? J'attendais de la chaleur. Fait que ouais, ça a été un peu plus long. Vladimir? Tu m'as pointé pour parler. Non, mais c'est excellent. Fais breveter ça, Alex. Ouais. Tu vas te le faire voler par toutes les entreprises nord-américaines de fast-food. Ou du moins par quelqu'un ici. Ah, c'est vraiment bon. C'est vraiment, vraiment bon. Bravo, Alex. Merci. Une belle procrastination. J'ai pris quelque chose. J'ai pris ce que j'avais dans mon frigidaire. Ça a bien donné. C'est super bon. Je trouve que ça fait une belle continuité avec ce que moi, je viens d'aller faire chauffer. Je dis ça comme ça. Et ça va bien avec le pâté à viande qu'on a goûté aussi. Oui. Que Martin avait acheté. Certainement. Et pas cuisiné. Toi, t'as cuisiné. Mais ça fait très bien ensemble. Mm-hmm. Miam, la sauce, la pizza... Est-ce que t'en as rajouté dessus? Oui, j'ai fait que mes œufs. Après ça, j'ai mis de sauce à pizza, pepperoni, fromage. Je vais t'arrêter là que j'ai fait dorer un peu à broil. À broil. À broil. Génial. 400. Beau travail, belle assiette aussi. Est-ce que c'est une assiette familiale? Ben ça peut. Ça dépend combien que tu rentres de deux dans ton moule à bout. Non, je veux savoir si c'était. Considérant les couleurs, est-ce qu'elle t'appartient ou elle appartient à une de tes colocs? À une de mes colocs. Wow. merci beaucoup, Alex Marchand. Ben, merci à vous. Très réussi, on va. Il en reste un, hein? Quelqu'un qui en veut d'autres, il en reste trois points. Les commentaires de David Ferron. Ah, ben oui, Ferron. Certainement, David. David, raconte-nous ton retard. C'est une blague. Comment t'as aimé ça? On t'aime, David. Ben j'ai adoré ça. Ouais, hein? C'est plein de talent. Ouais. Est-ce que tu vas t'en cuisiner à la maison? Est-ce que tu veux avoir la recette, c'est ça? Ben, pourquoi pas? Je pourrais l'écrire puis vous pourriez la mettre sur la page de Assemblage Réunion. Certainement. Okay. Avec plaisir. Mais non, mais tu vas te la faire voler par Facebook. Fais pas ça. Je vais faire une vidéo tasty. David, qu'est-ce que t'allais dire? Ben, il faudrait qu'il y ait brevette avant. Ouais. C'est ça. C'est vrai. Avant la mise en public. Après Ricardo, Alex Marchand. Là, c'est ça. Ça en vient. Mais bientôt, une chance. J'espère que tu vas vendre ton stock moins cher avec Ricardo. Déjà, la petite fille de la bande de mon père qui m'a fait une cuillère avec mon nom dessus, fait que c'est déjà un bon début. Ouais. Genre, c'est une grosse cuillère, fait que je peux manger plein de céréales avec ça. Puis je me sens un peu plus comme Ricardo. C'est vrai. Ça s'en vient. Attendez, 2018, mesdames et messieurs. Ben oui. Avant de continuer avec un autre produit, Tania, c'est chaud son affaire, ouais, donc il va falloir penser au sien. On va écouter un classique depuis les dernières semaines. C'est toi qui l'as découvert, Tania, et depuis ce temps-là, on l'a fait jouer au moins deux fois. Ça va être sa troisième minimum diffusion. Oui. C'est celle de Otari. C'est bébé, il fait frette dehors. Ouais, c'est comme ça, il fait frette. C'est le temps des fêtes. C'est une grosse pointe tendresse. Ça, c'est fou. Je peux pas rester. Oui, mais bébé, il fait frais dehors. Faudrait que je m'en aille. Oui, mais là, bébé, il fait frais dehors. C'était une belle soirée. J'étais bien content que c'était tu passes. C'était vraiment nice. Va prendre tes mains, sont comme de la glace. Ma mère va sûrement s'inquiéter. Ta mère, elle peut bien aller chier. Puis mon père risque de se fâcher. Il serait fier de mon feu de foyer. Faudrait vraiment que je parte tout de suite. Lâche ta sacoche à citoyer. Je te prendrais peut-être un autre eggnog. Va mettre ma cassette de lemon twist. Voisin nous regarde. Mais non, c'est ma crèche vivante. Qu'est-ce que t'as mis dans mon drink? Bébé, les métros passent plus. J'aimerais bien savoir. Ton père, c'est-tu un voleur? Comment dire non? Il a volé toutes les étoiles du ciel, puis il les a crissées dans tes yeux. Je devrais te dire non, monsieur. Ça te dérange si je me mets en botte? Ce sera pas faute d'avoir essayé. Y'a pas de poche, pas encore bandée. Je peux pas rester. Fais donc ce que tu veux, mais il fait frette. Dehors. Oui, il fait frette. Dehors. Faut vraiment je m'en aille. Ouais, mais là, il fait frette dehors. Je t'ai déjà dit non. Bébé, il fait vraiment frette dehors. C'était belle fun de te voir. On s'est même pas mis Ben non, c'est toi qui me fais de l'effet. Ma sœur est à veille de me pêcher. Ta sœur est-tu plus jeune que toi? Mon frère est à veille de débarquer. Il va avoir de la misère à se parquer. Ma tante, je suis née en psycho. Penses-tu qu'elle a des bonnes pilules? Je te prendrais peut-être une crème de menthe. Manges-tu les guirlandes en popcorn? Je rentre à maison. Veux-tu vraiment te geler le cul? Me passes-tu ton corps? Mais pas bête, ça ferait-tu pareil? T'es un ben bon gars. Attends de me toucher ma graine. Mais tu comprends pas. Je viens de la passer au lavabo. Le monde va jaser dans notre le dos. Le monde jase déjà dans notre dos. Pour une fois, ce serait croustillant. Aide-moi à déplier le divan. Je peux pas rester. Tout nu sur le plancher parce qu'il fait frais. Dehors. Oui, il fait frais. Assemblage requis. Oh, oh, oh, oh, oh. Toujours dans le gros spécial, une grosse pointe tendresse. Assemblage requis. On a du plaisir avec tout le monde qui est là en ce moment. On a Frédéric Simon, on a Alex Marchand, David Ferron, Véronique Mire, Martin Lambert, Denis Baudin et bien sûr nous-mêmes, Tania et Mathieu. Hein, mm-hmm. Pourquoi pas? Donc, dans ce spécial, on est rendu à toi, Tania, parce que tu as fait cuire quelque chose pendant qu'on parlait tout à l'heure. Tu nous as fait cuire ça dans le four micro-ondes de la station. Oui, en fait, il faut comprendre que je l'ai cuisiné hier soir et je l'ai fait réchauffer ce matin pendant que Alex Marchand est en train d'essayer de ramener tout ce qui vient de casser. Mais... Non. Je vais aller l'aider, continuer par la fin. Faut remettre le micro à off. Remettre le micro à off. Alors, avant que... Oui, c'est ça. Là, on ne l'entend plus. Merveilleux. Alors, je l'ai cuisiné hier soir. Je l'ai fait réchauffer ce matin. Je ne sais pas si ça va être aussi bon que quand je l'ai cuisiné hier soir. Du moins, je l'espère. Et comme je le disais tout à l'heure, bien, c'est un petit peu dans la même lancée que ce qu'Alex vient de nous présenter. Donc, c'est-à-dire que c'est effet déjeuner, mais qui peut très bien se manger sur l'heure du dîner ou sur l'heure du souper. Alors, je vous présente, en fait, je vais l'ouvrir, espérant que ce soit encore chaud, là, parce que je l'ai fait chauffer quand même là, un bon 5 minutes. Là. Ce sont des petites quiches faites maison. et je vous explique, en fait... Il n'y a pas de croûte à ces quiches, mesdames, messieurs. C'est presque végétarien, OK? Donc, on a du bacon de poulet. C'est pas du vrai bacon parce que on voulait quand même... En tout cas, moi, je voulais que ça soit un peu santé. Et comme je le disais aussi, il n'y a pas de croûte. Et à l'intérieur, on a épinards, brocolis, tomates, fromage végétalien, Mathieu. Oh, j'ai pensé à nous. Ça, merci. Il n'y a pas de produits laitiers dans le fromage. Et comme je le disais, bien, il y a du bacon de poulet autour, ce qui fait en sorte que ça se tient. Mm-hmm. Et comme je le disais, j'espère que ça va être bon parce que hier soir, c'était bon. Mais là, c'est réchauffé ce matin. Hier soir, c'était bon comme dans tu y as goûté? Mais j'ai pas eu le choix. Là. T'as aussi enfreint les règles. Je voulais m'assurer que ça allait être dégustable ce matin. Ben, c'est beau. La présentation est très jolie, le bacon autour de l'œuf. Merci, merci. Très beau, très beau. Là, y a-tu quelqu'un qui en manque un, là? Oui? Okay. David, va voir Denis, je pense. Qu'est-ce que t'as dit, Denis? Et voilà. Tania, tu ne faisais pas ça quand tu vivais à la maison? Non, je suis désolée, des choses qui arrivent. Merci, David. David, est-ce que tu peux donner ça à Mathieu, s'il te plaît? Moi, j'en ai déjà un. Merci. Ah, t'en as déjà un? Oui. Bon, ben, on est correct dans ce cas. J'avais des doutes que... Il y avait de la charcuterie dedans. Ben la oui, charcuterie, pourquoi? Ben parce que David et moi, on s'est croisés hier. Au rayon des charcuteries. Au rayon des charcuteries. Oh, wow. Puis là, il m'a dit, regarde pas dans mon panier. Je dis, ben toi non plus, mais je te dirais que devant les paquets de bacon. C'était trop évident. C'est ça. Toi, t'as acheté quoi, David? Quelque chose pour te... Est-ce que t'as mis du bacon dans tes affaires aussi? Non, pas du tout. Vu que Martin est là, je me dis, les gens vont manger très, très salé. Donc, j'ai amené des trucs pour compenser t'as le compris. Petit côté salé. T'as compris, pendant Martin? Pendant que Stéphanie se joint à nous Stéphanie et que Paradis, je vais lui préparer une petite assiette, elle aussi, hein, pour pas qu'elle manque de quoi que ce soit. Alors, ça à sa fille ici. Ariel aussi, hein? On va pouvoir goûter ça à tout le monde ensemble. Je pense qu'on va bientôt compléter la liste des gens qui sont supposés être avec nous aujourd'hui. Oui. Donc, je répète un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Mm-hmm. Évidemment, il y a des œufs. Le lait, c'est pas du lait normal parce que Mathieu et moi sommes intolérants au lactose. Donc, c'est du lait d'amande, en fait. C'est très bon. Brocoli, épinards, tomates. On a des épices, c'est sûr. Et du petit bacon de poulet. Du petit bacon de poulet. Bon. Avec du fromage. Donc, tout le monde a sa portion pour l'instant dans ceux qui sont présents. Oui, en théorie, oui. Et là, j'espère, comme je le disais, j'espère que c'est chaud, là, pareil. Ça c'est pas mal chaud, quand même. Ouais, OK. Correct. Denis, il dit que c'est tiède, tu sais. Denis, est-ce que t'as déjà tout mangé? Il a mangé le bacon tout le tour. Il a mangé le bacon tout le tour, ça, je le vois. OK. OK, on y va? OK. Je mange par étapes, moi, Mathieu. Mmh. C'est vrai. Mmh, on goûte vraiment les épinards. Hein? Mmh. Mmh. Mmh. J'adore les épinards, je suis un grand fan. Je remplace tout le temps ma salade par les épinards. Mmh. Ça fonctionne très bien. Mmh. Ah ouais, ça fonctionne très bien, même. Mmh. Un peu la tomate aussi. On devrait faire ça plus souvent, hein? les potlucks, la grosse pointe en dresse. On mange toujours bien. Bon, avec les épinards, c'est ça. Épinards, ouais. Brocolis, tomates, avec bien évidemment du bacon de poulet à l'intérieur aussi. Mm-hmm. Puis c'est ce qui le recouvre tout le tour. Ouais, c'est facile à cuisiner. Là. C'est vraiment facile. Le mix, ça prend 30 secondes à faire. Mm-hmm. Puis après, c'est 25 à 35 minutes de cuisson. C'est là, évidemment tout dépendant. Facile parce que des choses difficiles, t'en cuisines pas. Ah, hey, tu peux même parler, toi. Et j'aime le fait que ça se tient bien dans la main, un peu comme ce que Alex a amené tantôt, qui est un petit peu le même principe, ça fait amuse-bouche. Oui, exactement. Ça se mange très bien. Oh, oui. On se salit pas trop avec ça. Je finis de m'aboucher, moi. Pendant qu'il y a un conflit familial entre Tania et Denis. Donc, Denis, comment vis-tu la relation avec ta fille désormais? Très bien. Elle fait plus à manger à la maison. Non, c'est ça, exactement. Il est juste fâché parce que j'en ai jamais cuisiné avant. Ah, donc, il y a de la rancune. C'est ça, exact. Non, c'est la magie de Noël, David. Ah! Ah, c'est Claire Lamarche qu'on l'appelle, pas David. Ouais, c'est ça. Tu vois, David a repris son rôle d'animateur de foule pour les émissions. On t'apprécie énormément, David, comme toujours. Est-ce que Stéphanie a eu la chance d'aller de prendre sa petite assiette que Tania lui a préparée? Pas encore. Non. Non, je lui mais donne ça. Ça s'en vient. On veut qu'elle goûte live. Une bouchée pour toi et une bouchée pour Ariel. Oui. Est-ce que c'est beau, Ariel? Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est beau, Ariel? Est-ce que t'aimes le bacon, Ariel? Bacon? J'aime comment Ariel répond tout le temps. Ariel répond par des signes de boucan. Oui, c'est ça. On voit pas ça à la radio, mais oui, en effet, le studio est emboucané. Sinon, elle cligne des yeux pour donner des réponses. Exact. Ouais. C'est en code morse, donc. C'est peut-être ça. non. Le micro, je pense, mais moi, j'aime beaucoup ça, ce que je mange, que je sais pas c'est quoi. J'étais pas là quand on l'a expliqué. C'est une mini-quiche. Mini-quiche. Mais c'est super bon. Au bacon de poulet. Oui. Veux-tu des cocos, Ariel? Ah, Ariel, elle appelle ça des cocos, hein, à la maison. C'est des cocos. Oh, yeux. Ariel goûte. Ah. On croque. Et... Oh, le petit sourire. Je pense qu'il y a un petit sourire là-dedans. Oui. Je pense qu'on l'a. Yes! On l'a convaincu. Approuvé par les enfants. C'est ça. Et les mères. Aussi. C'est ça. Et je pense que la prochaine... en revenant à la maison tantôt, Ariel va demander « Je peux avoir des cocos avec c'est des épinards puis du bacon de poulet? » C'est ça qu'elle va dire tantôt. Elle est souriante. Elle l'a. Ben oui. Elle l'a. Comment? Oui, pardon, Denis? Dans une assiette d'Halloween. Ben oui, c'est parce que j'ai fait de la récupération, voyez-vous. Mais Tania, je pense que c'est sa fête préférée, l'Halloween. Donc, à l'année longue, il faut qu'elle puisse continuer sa célébration. Exact. Mais toi, ton année est comme divisée en la portion Halloween et la portion musique de Noël. C'est six mois. Ça ressemble à ça. Pas mal ça, son année. Ça ressemble pas mal à ça. Donc, c'est toujours au spécial Une grosse pointe adresse à Assemblage requis. On est dû pour une autre petite chanson. Question d'avaler ce qu'on vient de manger. Il nous en reste pas beaucoup du côté de Denis Beaudin. Tu nous as amené une pièce de Mick Jagger. Oh! Je pense que ça fait très ça. Oui, hein? Tout à fait. Ça fait bien avec la langue qui en ce moment est remplie de saveurs, surtout de coco. Hein? Donc, on écoute Lonely Without You This Christmas. D'entre autres, Mick Jagger, mais avec aussi Dave Stewart et Joss Stone. Oh! On écoute ça tout de suite. Vous êtes à Assemblage requis pour encore un bon moment sur C'est fou. I'm Mick Jagger, accompagné de Dave Stewart et Joss Stone. Suggestion de Denis Baudin et son émission Très Blues Assez Fou les jeudis soirs à 19h. Manquez pas le spécial de Noël qui va rejouer pendant les fêtes plusieurs fois. Oui, plusieurs fois. On l'a dit tout à l'heure, mais c'est ça. Vous êtes toujours au spécial Une grosse pointe en dresse d'Assemblage Requis, notre potluck annuel 2017. On a perdu Martin Lambert et Véronique Mire. Ben oui, pas le choix. Il faut aller travailler, là, maintenant. Oui, malheureusement. Mais quand même, on a toujours Frédéric Simon. Allô. Alex Marchand. Allô. Denis Baudin. Yes. Salut. Alex a réparé son microphone. Oui, c'est ça. David Perron. Salut. Et Stéphanie Paradis qui est dans le coin là-bas. Je pense que on le. On avec le mien. C'est ça. Je pense que le divan manque d'accompagnement. Si jamais quelqu'un veut prendre le divan, vous avez le droit aussi. Ariel a fait le saut quand Stéphanie a crié. David fait du manspreading dans le divan en ce moment. Dans le métro, ça passerait pas, mais dans le divan, ça va très bien. Écartille tes jambes, David, écartille. Ah, oh, mon Dieu. Manspreading. J'ai profité de l'absence des services aux étudiants pour m'étendre sur le divan. D'ailleurs, les services aux étudiants qui disent « Nous sommes là pour vous, les étudiants », puis qui partent. Parce que c'est vrai. Mais les deux, je crois, avaient des réunions, quelque chose comme ça. Oui, oui, ils ont des obligations. C'est pas facile, le 21 décembre. Ça. Non, ça achève, hein? Mm-hmm. On est rendu à qui a un autre produit à faire Denis goûter? Est Denis ici depuis le début. Ouais. Puis on n'a pas encore goûté son produit. Denis, voyons donc. Oui, impose-toi un peu. Je prends ta place. Non, dis pas ça, Baswell. Va t'écartiller les jambes, tu le dis. Mathieu, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Oui, c'est ça, exactement. Dis pas ça. Il est derrière moi, on sait pas ce qui pourrait m'arriver littéralement. Il pourrait m'en virer. Ah, il est parti, ok. C'est la poubelle. Éric Salvaire encore. Fais attention. Pas deux fois. C'est ça, mauvaise idée. Eh ben, je crois que David est en train de fouiller un peu, hein. David, qu'est-ce que tu fais? Je pense qu'il veut amener le. David prépare. Il prend la tourtière. Il prend le temps perdu. Prends la tourtière, David. À peu près à toi. Donc, Denis, qu'est-ce que tu as apporté pour nous aujourd'hui? Ben, j'ai apporté pour vous. Un classique! Tania le sait. Un classique, mais réinventé. Okay. Ouais. Mais. J'espère que ça va être bon parce que j'ai eu une petite mésaventure. Bon. Raconte-nous ça, anecdote-nous ça. Là. Anecdote culinaire. C'est un verbe maintenant. On a parlé de Ricardo tout à l'heure, donc c'est une recette de Ricardo que j'ai complètement cuisinée. Pimpé. Oh. Est-ce que tu l'as-tu pimpé? Que j'ai pimpé un peu. Ah ouais? Mais dans la cuisson, c'était une cuisson au bain-marie. Oh! Mon Dieu! Je vous bain-marie, Joseph, comment? Il s'est infiltré un petit peu d'eau dans mes papiers d'aluminium. Pas supposé. En bain-marie, ça touche pas à l'eau, c'est ça? C'est l'eau qui chauffe. C'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Mais. C'est bain-marie dans l'eau. Dans l'eau, OK. Donc, il fallait mettre le plat dans le papier d'aluminium, mais mon papier d'aluminium n'était pas assez large, donc j'en ai mis plusieurs épaisseurs. Ouais. Et ça s'est infiltré un peu. Ah. Donc, ça se. Va falloir appliquer. Quand je l'ai coupé hier, parce qu'il est déjà coupé, là, je vérifie la cuisson. Quand je l'ai coupé, ça semblait être correct, mais c'était encore chaud. Mm-hmm. Puis il fallait. Ça se prend froid, c'est un dessert. Okay. Oh, après tout ce salé, là, ça m'a bien passé. Un dessert. On est dans le thème parce qu'il y a des œufs. Oui, okay. C'est vrai. Il y a beaucoup d'œufs aujourd'hui. Oui. Ariel va y aller. Protéines, Mathieu, protéines. Tania, je m'excuse, mais il y a du yogourt. C'est correct. Je te pardonne. C'est bien la seule affaire que ça me dérange pas de manger quand il y a du yogourt dedans. On va avoir peut-être une pause d'une demi-heure dans le milieu de l'émission. Pour, c'est ça. Alors, on est déjà quasiment je vous sors la garniture. Oh. Oh, c'est quoi? C'est des framboises? Ce sont des cerises. Des cerises. Oui, Tania, si je m'en vais là. Des cerises en confiture. C'est une confiture, mais. Oui, elle sait ce qui s'en vient. Ben voyons donc. Je vous sors. L'appareil. Le plat de résistance. Tania, tu le mets à ta droite, s'il te plaît. Certainement. Oh, mon Dieu. Un gâteau. Un gâteau au fromage. Hey, boy. Oh, oui. Théoriquement, qui aurait dû être soufflé. Oui, c'est vrai, hein? Par la cuisson au bain-marie, mais qui a un petit peu tombé. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai une idée, ça doit être à cause de l'infiltration d'eau. La faute à Ricardo. C'est de la faute à Ricardo. Hello. Et, aujourd'hui, on y je met tout. Le couteau est ici, Denis? Oui, non, je cherche les assiettes. Le seul couteau. Ah, les assiettes. Les assiettes. Ça, c'est grâce à Tania, les assiettes, aujourd'hui. Non, les rouges, c'est les miennes. Les rouges, c'est les siennes. Tu vois, rouge Noël, Denis. J'avais amené les cuillères. Orange. Et le couteau est quelque part. Ici, ici. OK, ben alors, Alex, je te permets d'ouvrir. Ah, ben, super. On va ouvrir ça à deux. Ouvrez. Et faut que je ramène l'assiette, hein, Tania? Oui, oui, je m'en allais dire, ta femme doit vouloir l'assiette. Hein? Ça, c'est une assiette familiale. Dans ouais, c'est une assiette familiale, oui. Hey, ça, c'est une assiette, si je ne me trompe pas, vas-y. De mariage. Arrête c'est donc. Un cadeau de mariage, effectivement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le gâteau date du mariage aussi et non du congélateur. Dans le congélateur depuis 37 ans. C'est une assiette. Vas-y, ben, okay. Alex, on fait des quel genre de pointe, par exemple? Des petites pointes. Ouais, ouais, ouais, allons-y, petites. Là. Oh, okay. Ça semble semble consistant. Là, j'aime ça. Et pendant qu'on coupe le gâteau, on peut se permettre d'accueillir Marie Labrousse, qui est avec David Ferron en ce moment. Bonjour. Bonjour. Bon matin, bon matin. C'est la rédactrice en chef du journal Zone Campus. On va avoir son opinion là-dessus aussi tout à l'heure. Tout à fait. On peut tous goûter. C'est ça, je comptais moi avec. Pour 8 points et demi. 8 points et demi, oui, c'est ça. Ah, vas-y, très bien. Ouais, est-ce que la chaîne Ariel voudrait du gâteau au fromage? Ah, elles vont partager donc 8 points, Alex. Ok, je pense qu'on y est. Il y a des pouliches en arrière de toi. Est-ce que il y a des pouliches en arrière de moi? Est-ce qu'Ariel a goûté à ces pouliches? Est-ce que tu t'es mis une pouliche dans la bouche, Ariel? On veut savoir. Denis, demande à Ariel si elle a goûté à ces pouliches. Comment ils s'appellent tes pouliches, Ariel? Ariel n'est pas une jeune fille qui veut Ariel parler aux autres. Ariel est impressionnée par la moumoute du micro. C'est ça. Ah oui, mais c'est son fan, la moumoute du micro, Ariel. Tania, tu prends une cuillère dans la petite boîte. C'est ça que je fais. Ça, je fais. Disposer du. Alex fait des pointes incroyables. Ouais. Je suis pas un expert en coupage de gâteau. Vous m'avez fait confiance sans connaître mes compétences. Il faut mettre de la cerise. Ah oui, il faut de la cerise. Il faut de la cerise, c'est vrai. Mais excuse-moi, Alain. Tu travailles des Denis. Denis, c'est son père, puis elle l'appelle Alain. Il s'appelle Denis. Fouille-moi pourquoi. Aucun sens. Ok. Toi aussi, t'en veux du gâteau? Ariel? Ariel aussi veut du gâteau. Ariel, elle parle seulement. On va t'en donner, ma belle Ariel. Seulement quand elle a pas un micro dans la face. C'est je pense qu'elle se sent intimidée. Ben, clairement, toi, à son âge, te sentirais-tu pas intimidée? Probablement. Par micro? Ben oui. Il n'y a pas de micro dans mon temps. C'est ça, exactement. On va avoir un premier. Oui. Première évaluation de la. Ben, je vais attendre quand même que tout le monde ait son avis. Voilà, Steph. C'est pas évident, là, donner du gâteau en. Vas-tu envoyer des cerises? Désolé par pour la présentation, oui. Je vais envoyer des cerises un peu partout. Première odeur. Ah, ça sent vraiment très bon. Oh, oui. J'envoie du gâteau par là. Dans le public. Oui. Fred, tu peux me prêter ton assiette si tu veux des cerises. Je vais y aller sans cerises. Okay. Sans cerises. Est-ce que t'es allergique ou t'aimes pas les cerises? Non, il faut comprendre là-dessus que c'est une base Ricardo, mais c'est un peu modifié par Denis. OK. Ouais. Donc, c'est un problème que j'ai. Modifier comment? Modifier les recettes. À suivre des recettes. Ah, c'est mon ça. Père est incroyable là-dessus. Hein? C'est une pointe gigantesque. C'est vraiment gros, hein? Ça doit être la pointe à Mathieu. Tu disais quoi sur les cerises, Fred? Je suis juste pas le plus grand fan de cerises. Ouais, moi non plus. Ça te rappelle trop le sirop de ton enfance, de toutes les maladies. Le Tia Maria qui est à l'intérieur n'était pas dans la recette de Ricardo. Oh, bon. Okay. Est-ce qu'on pourrait donner ça à Mathieu, s'il vous plaît? Oui. Je vais vous donner. Le avec vinaigre balsamique qui est à l'intérieur n'était pas dans la recette de Ricardo. Avec une cuillère. Du vinaigre balsamique et du Tia Maria. Okay. Oui. OK. C'est très et le yogourt non plus. J'essaye de fournir, OK? Ça s'en vient. As-tu dit le yogourt non plus? Dans le fond, qu'est-ce qu'il y a de la recette d'origine dans ce... La pâte. La façon dont faire cuire. Le nom, gâteau au fromage. C'est ça. Le nom. Est-ce qu'Ariel en veut toujours un complet? Non? OK. Non Stéphanie a dit non, ça va faire. Et quand mon épouse est arrivée de faire ses emplettes et qu'elle a regardé mon gâteau... Je pense qu'on est correct. Qui a dit... David. Dans le fourneau qui est en train de cuire. Elle dit, c'est pas encore cuit. Il dit non, elle dit, t'as changé quoi dans la recette? Elle te connaît bien, hein? Mm-hmm. Bon, donc ça, c'est à David. Hey, c'est incroyable tes pointes, à quel point elles sont immenses, Alex. Le gâteau est quand même assez gros et on a réussi à passer plus de la moitié du gâteau une dizaine de personnes. Je tiens à dire, Alex s'est coupé la plus petite pointe. Ah, mais il est tellement altruiste. Ça va être à David. Marie, si tu peux le mettre à côté, merci. Mon Dieu, pourquoi tu fais une autre pointe? Ben, je sais pas, t'en prends pas, toi. Ben oui, mais là, on est... Ah oui, Denis. Ben oui, bon. Évidemment. Je vais manger mon œuvre. Bon. Toi, tu maintenant, veux des cerises, distribué. Hein? Toi, tu veux des cerises? D'après toi. Et voilà, je te donne une petite cuillère, ce sera pas long. Voilà, Denis. Merci. Pour pouvoir manger ton œuvre, comme tu le dis si bien. Alors, OK, la première bouchée. Quand même. Moi, après la cuisson, étant donné qu'il était chaud et qu'il devait... Il devait reprendre sa forme. Tu l'as goûté? J'y ai pas goûté encore. Non, ben tant mieux. OK. Donc, fait que si c'est mauvais, c'est là qu'on le sait. Donc si c'est pas bon, c'est pas bon pour personne. Si c'est pas bon, c'est la faute à Ricardo. Parce hein, que Steph a l'air favorable au gâteau présentement. Ariel avait l'air aussi favorable. On y goûte, on est rendu là. Oh, wow. Ah, c'est tellement un goût que j'adore ça. Ah, ouais. Ah. T'es réussite. Le bon vieux classique du 25 décembre au matin. C'est le genre de gâteau au fromage que vous faites d'habitude en famille? Peut-être pas cette recette-là précisément, mais... Le 25 décembre, le 24, le réveillon, ça se passe à la maison. OK. Et il y a un des oncles à Tania qui, lui, c'est son gâteau au fromage qu'on mange. Ça, c'est le mien. Ça, c'est le 25 au matin. Oui, c'est ça. Vraiment très bon. La pâte aussi, d'ailleurs, qui est vraiment très bonne. Ouais. Est-ce que c'est le genre de choses qu'on mangerait le matin? Sûrement plus à un genre de brunch? Ben, en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que le 24, justement, comme le dit mon père, c'est celui de mon parrain qu'on mange. Mais mon père en fait un pour jusqu'en nous. Les enfants, on est chez nos parents. Pour en avoir jusqu'en nous. On va ça doit être un très gros gâteau. On déjeune avec on déjeune du gâteau fromage. Gâteau fromage en déballant les cadeaux. C'est ça. Oh, oh. Là, chez nous, on emballe encore des cadeaux. C'est ça. On n'est pas encore rendu aux cadeaux, nous. Hein. J'essaie de faire passer au mode chèque, mais ça fonctionne pas. Non. Je suis désolé, ça passera pas le. On n'est pas encore conseil. Assez proches en famille ici. On est assez proches pour manger ensemble, mais on n'est pas est-ce en train de penser que c'est un succès ou un. C'est un énorme un succès. Un énorme succès. Et malgré le bain-marie raté, malgré tous les facteurs de. Non, tout est bon. C'est, tout est parfait. Il n'y a absolument aucun stress là-dessus. Dans le public, on a dit qu'Ariel et Stéphanie avaient aimé ça. Est-ce qu'on a un commentaire à avoir. Est-ce que c'est bon? Ariel aime pas les mousses de micro. Tasse-toi de vraiment. Je pense que la momoute grise du micro ça est faite, Marien. Encore? Encore? Donc, ça devrait être bien. Ah, c'est magnifique. Marie, est-ce que c'est bon? Mais oui, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon du côté de Marie. Marie aime beaucoup, donc tout le monde aime ça. Merci. Tout le monde est content. Pouce en l'air pour tout moi le monde. Moi aussi, j'aime ouais, ça. Ouais, pouce en l'air. Ouais, Denis. Pouce en l'air. Ton j'étais, avis, j'étais est inquiet. Important. J'étais inquiet parce qu'il ne levait pas à la vitesse qui était supposée, mais ça doit être les modifications que j'y ai faites. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Excellent. Donc, gâteau au fromage. Toi aussi, si jamais tu veux nous poster le lien de la recette, t'enverras ça à Tania. On va tout on mettre ça pas. Sur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un secret. C'est une recette de Ricardo. Pimpé. Ouais, ben, pimpé. C'est le pimpé. C'est le pimpé qu'il faut les gens pas veulent dire. Essayer. On sait déjà les ingrédients spéciaux. C'est juste pas une proportion. C'est ça. L'époque, la période où je pimpe, j'oublie de mesurer. Donc, je sais pas quelle quantité de Tia Maria il y a à l'intérieur. On va tout être dessous tout à l'heure. Wow. Ariel compris. Monsieur l'agent, j'ai juste mangé du gâteau. Je suis rentré dans un poignet de téléphone. Il y a un bouchon et demi. Je suis capable de marcher droit, mais c'est pas grave. OK, on a plein de chansons que les gens nous ont suggérées pendant la dernière pièce musicale. Donc, on va y aller avec une suggestion de Fred Simon. Oui. Fred, tu nous as suggéré du Twisted Sister. Oui, qui ont sorti un album de Noël. Ok. Tu crois à ça? Qui ont repris des classiques. Tu crois à ça? Ben, ouais, quand même. Tout le monde doit sortir un album de Noël. We're not gonna take it, puis après ça, un album de Noël. Tiens, hein? C'est ça. Même ça marche. Est-ce que ça sonne comme du We're not gonna take it? Ça sonne comme du Twisted okay, Sister. Ok, ben, génial. Oh, j'ai hâte de voir ça. Tu nous as choisi une de tes pièces préférées de Noël? Donc, ben, j'ai choisi une pièce. Ben, t'as choisi une pièce au hasard. C'est pas sa préférée. La première sur le bord. Faut voir la vidéo d'ailleurs. Hein. Ah ouais, bon, ben, je sais pas. Alors, on écoute The Twisted Sister. Voici I Saw Mommy Kissing Santa Claus. Une grosse pointe en dresse. À son lèvre qui sur C'est Fou. She didn't see me Mommy Kissing Santa Claus, la suggestion de Frédéric Simon. Un peu plus rock. C'était rock pas mal. Ouais, c'était merveilleux. C'était vraiment très rock. Bon, on aime ça des fois, hein, de faire changement dans le style musical. Mm-hmm. Toujours au spécial, une grosse pointe adresse d'assemblage requis. Ça va être le moment de prendre une pause, tout le monde. Ouais, pas le choix. Donc, on revient dans quelques minutes avec d'autres dégustations, dont celle de David Ferron. Oh! Aujourd'hui. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le potluck annuel 2017 avec tout plein de monde en studio. Frédéric Simon qui est toujours là. Allô. Allô, Alex Marchand. Allô. Oui, Marie Labrousse est au fond sans micro. Oui. Actrice en chef du Zone Campus. Exactement. Oui, Stéphanie Paradis qui est là aussi. Wouhouhou avec sa fille Ariel. On a Véronique Mire qui est de retour parmi nous parce que sa réunion est plus tard qu'elle pensait. Eh oui, je suis là, c'est bon. Elle pensait que sa réunion était à 9h, mais non, elle était à 10h. Denis Baudin. Oui, allô, salut! Très blues, assez fou. J'ai pas dit, bon, matière noire pour Frédéric Simon. Ouais, les plugs, on les fera tout le temps plus tard. David Ferron est là avec notre micro de foule. Salut, la foule, comment ça va? Ouais! Ouais! C'est notre émission de buffet annuel où on se gâte, tout le monde amène quelque chose de différent. Jusqu'à maintenant, on a goûté plus de sucré que de salé. Oui. Quand même, on doit le dire. Et je crois qu'on va continuer dans le sucré tout à l'heure aussi. Qui n'a pas sorti son produit encore? Il nous reste quand même juste une 45e de minute. Qui? Je pointe Stéphanie Paradis. Ainsi que David Ferron. Et Marie Labrousse aussi. Et Marie Labrousse. Qui a envie de nous faire goûter quelque chose? Est-ce qu'il y a du salé quelque part? J'ai quelqu'un du salé parmi vous trois. Personne n'a du salé? Ah, ça va être sucré, ça va être sucré. Je pense que c'est Marie qui a le plus salé. Je sais pas c'est quoi le produit. Je pense pas que ce soit très très salé, elle nous l'a dit. Ah. Ça va être un petit snack pour tout à l'heure. Je pense qu'on peut y aller avec David ou Stéphanie pour commencer. Battez-vous. Ben Steph, ouais. Je te laisse y aller. Est-ce que Steph doit partir bientôt? On ne sait pas. Mais non, je suis là. Je peux procéder. Alors, procédons. Procédons. C'est dans sa sacoche. Ouais, mais oui. Absolument, on est habitué dans cette chronique-là d'avoir des produits du tiroir. Mais là, c'est une produit de sacoche. Produit de sacoche. C'est ça, un produit de sac. De sac. Donc, une bourse. J'ai quand même amené une valeur sûre. Okay. On s'entend, c'est une entreprise. Ça, je trouve ça vraiment le fun qui, dans différentes périodes de l'année, va proposer des saveurs différentes son propre produit. Et on sait, c'est déjà une entreprise qu'on aime beaucoup et c'est les chocolats Lindt. Oh! À l'automne, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de goûter au chocolat citrouille épicé. Non. Oui. Moi, non. Ça, c'est la vie. J'en ai mangé jusqu'à avoir envie de vomir. Mais Stéphanie, on va le dire, tout ce qui est à la citrouille ouais, épicée, c'est ça. Oui, elle s'en fait des... Je pense que t'en as en entreposage. Oui, oui, j'ai encore les mini wheats. Ouais. J'ai encore du café, j'ai encore le popcorn. Wow. Mais c'est le Baileys aussi? Le Baileys, ça fait longtemps incroyable. Que c'est fini, ça. Monsieur SOQ. Excellent. Ça a parti vite, ça a vraiment parti vite. Je pense que Stéphanie a un coffre-fort à la banque avec tous ses produits. Exactement. Est-ce que tu as transmis cette maladie-là à ta fille sur la citrouille épicée? Non, je penserais pas. Elle mais pas ça, peut-être pour le chocolat, oui. Donc, le Lindt, ça marche. C'est comme ça que je l'ai convaincu de se brosser les dents et s'en venir ce matin. C'était en lui disant qu'on allait manger du chocolat. Mais je pense que tu me disais qu'en t'en venant, elle disait genre, on s'en va à la radio, est-ce qu'on va manger quelque chose? C'est oui, ça? C'est ça. En débarquant de l'auto, on dit, on va manger, maman? Mais donc, oui. Elle le sait déjà. Donc, j'ai amené les chocolats Lindt. J'ai amené deux saveurs qui étaient là pour... la saison des fêtes. Donc, on a premièrement pain d'épices. Oh! Et l'autre saveur que j'ai apporté, c'est biscuit à l'amande poivrée. Ah, le peppermint cookie. Il y a aussi la version juste amande poivrée. OK. Mais le biscuit à l'amande poivrée, ça m'intriguait. Je sais pas, est-ce qu'on va avoir vraiment un petit crunch à l'intérieur de différents... Donc ça, ça m'intrigue parce qu'on sait que le chocolat Lind, c'est très coulant. Oui, ben oui. Ça fond dans la bouche. C'est ça. Donc je sais pas, peut-être si quelqu'un veut l'ouvrir. Oui, David, va donc aider Stéphanie. Et pendant ce temps-là, je peux raconter une anecdote. Parce que là, moi, j'ai comme un enfant qui fait des allers-retours sur mon dos et j'ai seulement une main. Anecdote, Stéphanie, c'est quand même drôle. On pense quand même similaire, toi et moi, parce qu'un des produits que j'avais amené, c'est exactement les Lind au pain d'épices. C'est parfait parce que ça veut dire qu'on va y goûter parce que j'aurais probablement pas le temps dans l'émission pour goûter à mes produits. Donc, on ouvre ça. David Ferron. Et je tiens à dire qu'Ariel a réalisé qu'on ouvrait le chocolat. Son oreille a fait brouh par en arrière. Va falloir qu'elle se brosse les dents encore. Oui, c'est ça. Ariel, est-ce que tu veux du chocolat? Est-ce que quelqu'un a amené de la pâte à dents pour goûter? C'est plate, hein? T'as parlé en même temps, mais ma fille a parlé dans Arrête le micro. Arrête donc, OK, non. Répète, j'ai pas entendu, Ariel. Est-ce que tu veux du chocolat? Elle veut du cola. Oh, c'est trop cute. Donc, on va en prendre chacun un pain d'épices. OK, ils sont quand même énormes, là. On tient à dire. Oh, merci. La distribution de l'hostie, mais... le corps du Christ. Avec du goût, c'est ça. Amen. Et Merry Christmas, everybody. Merry Christmas. On demanderait Denis Baudin au ramassage de son gâteau, s'il vous plaît. Ah oui, ben c'est vrai, hein. Ça va faire du désordre d'ici la fin de l'émission. Ça va être incroyable. Merci, David. Ah, la communion, je sais c'est pas pourquoi. C'est juste pour pas que ça tombe sur les effectifs du studio. On ne fait pas de dégâts ici. C'est en plein sang. Okay? Là, tu sais, David joue au tour, fait que je prends pas de chance. Donc, Véronique a distribué les ceux à la menthe, oh, les ceux. Merci beaucoup. Le deuxième corps du Christ. Voilà. Le Christ est plein de bonnes saveurs cette année. Non, je sais pas avec lequel on commence. Ben moi, je commencerai avec le pain d'épices. Pain d'épices. Ouais. Mais, c'est ce que je me disais aussi, probablement que le menthe va rester, le goût va rester en bouche peut-être plus longtemps. Donc, on c'est va vraiment des bonnes grosses boules, hein? Des bonnes grosses boules, oui, vraiment. Un peu comme Ariel est habituée d'avoir habituellement. Écoute, à 7h30, à matin, on parle toujours de chocolat. Ça, on parle toujours de chocolat. Ouais. On parle de chocolat. Et du sapin de Noël, Stéphanie, bien évidemment. Donc on ouvre. je vais le croquer en deux pour être sûr d'avoir tout de suite le fondant à l'intérieur. Ah oui. Mais c'est drôle, hein, parce qu'il y a vraiment comme un petit mamelon, hein, moi avec. Sur la bouche. Il y a comme un trou dans le fond. Ah, ben wow, super. C'est étrange. En tout cas, oui. Pourquoi tu souffles dedans, toi? Tu penses que c'est chaud? Je pense que Denis voulait aspirer le sirop à l'intérieur. Je sais pas, là. C'est pas Cherry Blossom, là. Non, c'est ça. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Ah bon, mais allons-y, pain d'épices en premier. Ariel n'a pas attendu. Ouais. Oh, hey. J'ai même pas encore croqué dedans et je goûte le pain d'épices à l'extérieur. Oh! Hey, puis moi, je trouve que ça goûte pas assez. Ouais. Je trouve qu'il aurait pu être plus généreux dans la saveur. Mm-hmm. J'avoue. Mais le goût est là. Le goût est vraiment présent. Ouais. Dans le fond, on a David Ferron qui a pas l'air convaincu. C'est juste que le goût de la cannelle, je la trouve trop subtile. OK. On dirait qu'il y a beaucoup de muscade. Ah, c'est typiquement David, il goûtait pas le bon bonbon. C'est ça. Mais non, moi je trouve que le pain d'épices est quand même pas mal présent. Je sais pas si ça dépend des bouches. Je trouve que ça goûte la muscade, beaucoup. Oh, ah, peut-être. Ouais. Mais ça goûte, mais à la fin, on dirait qu'au début, tu goûtes juste le chocolat, mais c'est très bon quand même. Il y a un petit croquant dedans. Avez-vous remarqué un petit croquant? Oui, il y a un petit croquant, un petit biscuit. Fred? Mmh. Je suis d'accord avec Tana, elle goûte beaucoup la muscade. Mmh. Ouais. Ça, c'est le chocolat Lind qui prend le dessus. Exactement. Ouais. Mais vraiment, le fondant, on reconnaît très bien le fondant de Lind. C'est très, très, comment dire, luxueux comme chocolat. On dirait que c'est comme, t'as l'impression de vivre une richesse. C'est somptueux. C'est somptueux. Littéralement. Littéralement. Est-ce que c'était bon, Ariel? Est-ce que t'en veux encore du chocolat? Elle a directement la main dans le sac. Est-ce que tu veux essayer l'autre chocolat, celui à la menthe? On va essayer celui-là tous ensemble. Non, elle mangera pas de menthe. Elle a goûté à la crème glacée à la menthe et elle a jamais voulu continuer. Donc, c'est vraiment parce qu'elle a pas aimé la menthe. Mais c'est intense quand même. Mais c'est un goût qui se développe quand tu. Fait que j'ai pu manger mon 2 litres de crème glacée tout seul. C'est rare que ça arrive quand t'as un enfant que tu peux manger une sucrerie tout seul. Voilà. Et pas encore à l'âge de pouvoir grimper dans le congélateur. Denis a le nez directement dans le chocolat à la menthe. Est-ce qu'on l'ouvre? L'emballage est beau, hein, avec ses petites rayures. Est-ce que je suis la seule qu'il y a des petits points dessus? Ça doit être le biscuit. OK. Des petits points verts. Il y a des petits points verts. Je n'étais pas certaine s'il était pas cette date. C'est ça, tu avais des points périmés, Steph. Ça sent beaucoup la menthe. Ça sent bon. Ça sent tellement bon. Ça sent les After Eight. C'est exactement ça. Ça sent la crème de menthe. En passant, on pourra mentionner, Tania, ta recette tantôt de thé. On en parlait tantôt, parlant de menthe. Mais écoutons ensemble. Parlant de menthe, là. pendant que vous dégustez, là, vous faites déguster, sachez qu'il y a un retour de la crème de menthe en popularité au Québec. Ah, oui. Mais oui, puis on peut faire des drinks aussi. Sûrement qu'Alex est au courant, considérant le fait qu'il travaille à la SAC. Mais il y a des cocktails aussi qui sont mis à la vente depuis certains temps pour un effet menthe plus discret, mettons, à l'apéro. Mais on recherche encore ce goût-là là, qu'on connaît de la bonne vieille crème de menthe. Mais c'est vraiment excellent. Ah, il est vraiment débile, celui à la menthe. C'est pareil comme du After Age, j'adore ça. C'est vraiment bon. C'est vraiment mon genre de truc. Véronique Mir, ton verdict. Je trouve que c'est meilleur que du After Age, en fait. Oh my God! Oui, mais on sentait le chocolat Lynn, c'est sur la coche. Ah oui, c'est très présent. C'est mon préféré, celui-là. Ouais, vraiment, je l'adore. Mais pour vrai, je sais pas si je donnerais peut-être mon préf à celui au pain d'épices. J'ai vraiment aimé l'originalité de la chose. Ah non, moi, c'est celui-là. Sinon, avec c'est quoi, pour vrai, deux excellents choix. C'est deux valeurs sûres. Ouais. Encore un croquant dans celui-là aussi. Mais je trouve le petit biscuit. Vous trouvez pas qu'il y a comme pas assez de croquant? T'sais, si j'avais trouvé un point négatif, tant qu'à avoir du croquant, il pourrait en avoir un petit peu plus. Ouais. Non, mais ça serait agressant. Tu penses que ça enlèverait le coulis du chocolat Lindt, peut-être? Donc, si vous voulez peut-être aller vous en acheter. Oui. Je sais pas là, si les spéciaux ont changé. Là, on est rendu jeudi. Mais en date d'hier, il était à 2 $10 au Pharmaprix. Qui est un bon prix parce que normalement c'est 6,99 le sac. Ouais. Ils sont à 5,99 chaque ou 2 $10. Toi, tu vois, tu magasines comme 40. Faux. C'est ça. Tu magasines comme faux. Moi, je suis allé au même endroit parce que j'achète toujours mes produits au Pharmaprix, vous le savez. Mais il y a une semaine. Il y a une semaine à peu près et j'ai acheté juste un emballage. Moi, ils sont pas capables de m'avoir. Moi, je suis habitué quand c'est un 2 pour un seul prix d'en acheter juste un puis qu'ils me font le prix, mais dans les pharmacies, ils font pas ça. Non, c'est ça. Ça dépend. Là, c'est vraiment un rabais additionnel qu'on a à l'achat de plusieurs. Ils font ça désormais. Mm-hmm. Je sais pas aussi si vous l'avez vu. J'ai essayé ça aussi cette semaine. C'était une édition limitée. Ça, par exemple, je comprends pas pourquoi pain d'épices et biscuits à l'amande, c'est pas écrit édition limitée étant donné que c'est pour les fêtes. Ouais. Mais il y avait une édition limitée aux amandes. Oh, donc, si vous êtes des fans de voyons, je manque le mot, là, mais des sablés aux amandes de pâte d'amande. Ariel fait dire que sa bouche est sale. Oui, c'est ça. Ariel aimerait que tu lui essuies les mains qu'elle s'est gâchée de chocolat. Est-ce que tu es pleine de chocolat, mon amour? Tania, tu peux aller laver David Ferron aussi. Ça. C'est vrai qu'on m'a passé mon tour. C'est une blague, David. Ah, notre souffre-douleur. Donc, maintenant, est-ce qu'on n'a pas eu l'avis de Denis Beaudin, finalement, je crois? Non, pas encore. Ouais, c'est excellent. Ton préféré? Ouais. Mon préféré, le deuxième. À la menthe, À la menthe, oui. Je pense qu'on a quelque chose de familial par rapport à la menthe. J'avoue. C'est incroyable. Moi, la menthe gagne, j'irais m'en acheter 3,5 paquets de suite. Ben, faut que tu les prennes en paire. Ah, parce c'est que, ça, 4 de bord. Mais mon gauge à sucre est au maximum. Là. Oui, ouais, ben c'est ça. Ah, aussi, okay. Je dois dire que tout le monde en dirait à la danse sucrée à Noël. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup de sucre. J'ai un produit salé qu'on va pouvoir goûter dans quelques minutes. parce que je crois que personne n'a un produit salé qui leur reste encore. Il me semble que non. Non, je pense pas. Du salé. Donc, ce sera à mon tour tantôt. Je vais vous faire calmer un petit peu les papilles. Mais avant ça, on s'en va entendre une pièce que Alex Marchand nous a suggérée pour Noël par Arctic Monkeys. C'est quoi? C'est ça? Oui. Ben, c'est pas une pièce de Noël. OK, ben, une pièce de musique. Oui. Mais qu'on va c'est faire comme ça. Pour que quelqu'un s'entende à quelque chose. On va faire comme Sébastien Guertin cette semaine. C'est ça, t'écoutes à Noël? C'est ce que t'écoutes à Noël. Ouais. OK. Ouais, je suis pas très, très tout de Noël. Moi non plus. Daniel, là, non. C'est 6 mois pas de tout de Noël, puis l'autre 6 mois où je suis écœuré dans l'entente. Ça va compenser pour. Un peu comme moi, je vais compenser avec du sel pour compenser le sucre. Toi, tu nous fais compenser la musique de Noël avec du Arctic Monkeys et la pièce When the Sun Goes Down. Mais quand même, je tiens à dire qu'il y a un petit aspect glacial, arctique. Quoi? Noël. Ça faisait pas partie de la chanson. Non, c'est un rap au début. What went wrong so that she had to roam the streets. She doesn't do major credit cards. I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know. I said he's a scumbag, don't you know. Sorry, love, I'll have to turn you down. Oh, we must be up to summer. What are the chances? Sure, it's more than likely. I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what your story might be. What your story might be. Yeah, cause they say it changes when the sun goes down. Yeah, they say it changes when the sun goes down. And they say it changes when the sun goes down. Around here. Monteo, isn't he Mr. Inconspicuous? And he don't even have to say oh. She's in a stance ready to get picked up. Bet she's delighted when she sees him pulling in and giving her the eye. Because she must be freezing. Scantily clad beneath the clear night sky. Dust up in the winter knowing. They said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down around here. They said it changes when the sun goes down. Over the river going out to town. And they said it changes when the sun goes down around here. Around here. Oh. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all. Arctic Monkeys, When the Sun Goes Down, suggestion d'Alex Marchand. On est déjà rendu à la dernière pause de l'émission. Ben oui. Il va rester une demi-heure pour goûter à tout ce qui nous reste. On va faire un petit blitz de dégustation. Retour dans une grosse pointe d'adresse, c'est le Potluck annuel 2017. Aujourd'hui. C'est fou, 89.1 FM. 89.1 FM. On cherchait le timing pour en revenir là-dessus. Toujours le podcast annuel 2017, une grosse pointe d'adresse dans Assemblage requis. Frédéric Simon. Allô. Alex Marchand. Bonjour. Marie-Labrousse au fond là-bas. Ouais. Tania Baudin. Oui. Véronique Mir. Hello. Stéphanie Paradis. Hey. Ariel. Avec une face de qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Denis Baudin. Salut. Et David Perron à la caméra. Salut. Salut. Bon, tout le monde est là, hein? Je pense que c'est pas mal la fin, bientôt dans une demi-heure environ, ce qui veut dire qu'on a un dernier blitz de choses à manger, et comme on a mangé beaucoup de sucré tantôt, je me suis dit qu'on allait faire un petit peu de salé, ça va se manger très très vite, on devrait avoir un consensus, ou du moins une opinion là-dessus. J'ai amené, tu sais, des fois dans des parties, t'as un bol, de là, les chips, ben pas le choix, pas le choix. Ben, je savais que t'avais acheté ça, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu savais que j'avais acheté celle au BLT? Oh non, je savais pas. Des Lays. Excellente idée. Lays au BLT. Donc, Lays BLT pour une durée limitée en ce moment. Donc, on s'entend qu'il doit y avoir un petit goût de... Ça va goûter à la salade, clairement. C'est sûr. Les tomates, c'est sûr qu'il y a des tomates là-dedans. Les petites tomates. Bacon, mayonnaise, pain. Hein? Je pense que c'est pas mal le résultat d'un BLT. C'est quand même un grand défi pour rentrer ça sur une chip, là, on va se ben, dire. C'est ça, quand même. C'est une chip très épaisse. Comment tu déconstruis ton goût, je ne sais pas comment il faut. Chaque chip vient avec un cure-dent. Ah, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est pas essayer de pas pogner les chartes dans la bouche. Wow, c'est marqué. Hey, toujours à la course, les croustilles Lay's sont également offertes en emballage multiple. Bon à savoir. Hein. C'est merveilleux. Tiens, Tania, ouais, d'habitude, c'est moi qui te donne le produit. Donc la tradition continue. Dans le micro magique? Dans le micro magique. On l'a pas utilisé ben même aujourd'hui. Ah, le voilà qui s'ouvre. On n'a pas de bol pour les servir, par contre. Malheureusement. Oui, merci. Oh, ça sent le bacon. Est-ce que ça sent la salade, les tomates et la mayonnaise? Ouais, ça sent vraiment le BLT. Ben voyons donc. Je suis vraiment surprise. Est-ce que ça vient avec la petite Madame Bête de la cafétéria? Écoute, j'osais pas le demander, mais maintenant que t'en parles... On les salue. Tu rouvres le sac, elle te donne une claque dans la face. Oh, des chips qui ont du punch. Mayonnaise ou pas de mayonnaise? C'est juste suivant. Suivant. Je tiens à vous dire que c'est à partir d'aujourd'hui qu'ils ont décidé de diffuser ces fous à la cafétéria. Bonjour, madame. On salue la madame qui fait belle. Après 20 ans de ces fous, là, ils ont décidé de choisir aujourd'hui. Exactement. Donc, tout le monde en a pris? Est-ce que là, ça fait le tour encore? Ça fait le tour, ça fait le tour. Le monde manque de main. Pour prendre les produits et tenir le micro et tout, et tout, et tout. Je tiens à dire qu'on est regardé de l'Ontario, présentement. Ben, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut les saluer par leur prénom? Certainement, Bill Oakman. Salut, Bill Hi Oakman. Hi to you. Beau prénom, Bill Oakman. Ouais, ouais, ouais, ouais. Sur la famille, c'est aussi Oakman, j'imagine. Est-ce que quelqu'un va venir m'emporter un peu? Non, c'est ça? Non, c'est correct, pas de trouble. Véronique Mire, merci. Mais c'est quoi l'autre saveur de lait qu'il y a présentement? Je sais qu'il y a une autre saveur étrange. Merci, Véronique. Je sais pas. J'ai pas vu d'autres sortes. Pas récemment. J'ai un blanc, mais en tout cas, il y en avait pas à la pharmacie. Il y en a eu à Poutine. Il y en a eu à Poutine. Je sais pas si il y avait des raffles aussi. Cheeseburger, Poutine, des affaires funky comme ouais, ça. Ouais, il ouais. y a pas si longtemps. Mais il y a 2-3 ans, il y avait eu les Lay's brioche à la cannelle. Ah oh, oui, oui. C'était pas mauvais, mais une fois. Je sais pas. Tu rachètes un sac. Moi, je suis plus nature, mettons. Ah oui, hein? Ouais. Mais ceux-là, on dirait, je sais pas, vous allez peut-être me dire le contraire. Je trouve que ça sent moins la mayonnaise que la sauce à salade. Ah, tu trouves? Ça sent un petit peu la Miracle Whip. Oui, tu sais, un petit peu d'épices dans la Miracle Whip d'habitude. Je trouve que ça sent ça un peu. Mais à chaque fois que t'en parles, on dirait qu'il y a une petite affaire de sauce à la salade César. Là. T'sais, petite affaire. Alex en a pris deux. Ouais. J'en ai deux aussi. Ben ouais. Ouais, il y a beaucoup de gens qui en ont pris. On y va, tout le monde? Oui. Ça goûte le baiser! Ça goûte le baiser! J'en ai pas eu, moi. Ben voyons. Bon. Parce que j'ai. C'est parce que Denis a juste. J'ai deux mains. Dans une main et j'ai. La diffusion en direct dans l'autre. On est multitasking pas mal ce matin. C'est vraiment parfait. Ça goûte très, très bon. Un petit peu la rôti. Oui, mais c'est ça qui est le fun dans un BLT. Ouais, la toast. Ouais. La toast mélangée avec des chips au bacon à l'ancienne. Mm-hmm. Ouais. C'est vrai. Hey, t'as raison, bacon à l'ancienne, ça goûte ça aussi. Mm-hmm. Et aucun arrière-goût de cure-dent du tout. Non. Du tout. Non, effectivement. Ça goûte pas le pain. Je suis agréablement surpris. Moi aussi. Ouais, moi avec. Ouais. Que de commentaires positifs sur ces chips et ça fait changer. Oh, pas, attends un peu. T'es caché un peu derrière moi, Stéphanie. Qu'est-ce que t'aimes pas ça ou c'est ta fille qui aime pas ça? Non, ma fille aime vraiment ça. Moi, je trouve que ça goûte la vieille graine de toast dans le fond du toaster. Mais, encore une fois, c'est commencé par la Sodexo, donc j'imagine que c'est des graines de toast. En tout cas, des graines, c'est correct. Je tiens à dire que ta fille trippe incroyablement présentement. Non, mais c'est des chips, ça. Ben, c'est ça. Est-ce que c'est bon, Ariel? C'est-tu bon? Est-ce que t'aimes ça, des chips? Est-ce que t'es plus salé ou sucré, Ariel, habituellement? Salé. Salé, ouais. Hein? Ouais, mis à part le chocolat, là. Ouais, c'est ça. C'est assez unanime, mais très salé. Elle, dans son dada, c'est le popcorn. Ah! Mais on n'a pas ça aujourd'hui. Pas de popcorn! T'aurais dû amener ça, Ariel, voyons. Popcorn. Ariel, t'as pas amené de popcorn. Déception. Elle est occupée à manger sa chip. C'est l'an dernier que j'en ai apporté du popcorn. C'est vrai. T'as raison. 2016. Donc, qui d'autre a pas donné son avis? Véronique Mire? Moi, je tiens à dire que je tiens fermement le sac dans mes mains. Oui, oui, c'est vrai. Tu veux pas qu'on te l'enlève, hein, c'est ça? Non, c'est bon. Mais avouez quand même que ça devrait pas être une édition limitée. Ça devrait être. Sauf que ça ressemble un peu crème sûre. Ben oui. Une petite affaire de crème sûre. C'est l'aspect sauce à salade Miracle Whip. J'ai l'impression un petit peu là-dedans qui amène ce petit côté-là ranch, je trouve. Mais l'emballage est un peu bizarre. Ben mais la couleur ça bleue. Dit ce que ça dit. C'est ça. Je sais pas. C'est un sac. C'est tout ce qui est le plus traditionnel. Mais j'aimerais que ça reste de façon permanente. Est-ce que David t'as goûté? Est-ce que tu nous as dit ce que t'en penses? C'est bon, mais j'arrive pas à mettre le mot là-dessus. Ok. Va falloir. Je le sais pas. Ça serait bien plaisant. OK, il faut trouver un mot pour David. On va l'aider un petit peu. Est-ce que c'est adéquat? Adéquat? Ben, pas parce que c'est adéquat. C'est un petit peu au-dessus, mais c'est le goût. J'arrive pas à comprendre le goût. C'est vrai qu'il manque de sel un peu par rapport à tout ce que t'as au niveau aromatique. On dirait que, tu sais, des Lay's originales, là, ça te prend 2 verres d'eau par chip parce que c'est salé. Ça te rompe la bouche. Tu sais, ça, c'est comme... tu cherches un peu ton sel, là. J'en rajouterai. Ouais, non, je suis pas en désaccord. C'est des chips, c'est bien bon. J'ai tendance à toujours trouver trop salé. Ouais, là, c'est juste ça, parfait moi pour avec. Moi. C'est un bon exercice d'addiction, ça, Mathieu. C'est ça, merci. Tout trop salé, tout trop salé. Trop salé. Je crois que Marie n'a pas donné son avis, David Ferron. Marie Labrousse n'a pas donné son avis sur les chips. BLT! Moi, je vais être honnête. OK. Ça sent bien! Aïe, aïe, aïe, c'est la nouvelle Martin Lambert. Ouais. Et c'est un point sur lequel j'ai encore jamais réussi mon intégration québécoise. C'est les chips à saveur bizarre. D'ailleurs, je me souviens parfaitement des chips goût saveur brioche à la cannelle qui m'ont complètement traumatisé lors de mon arrivée au Québec. Il y a 3 ans. C'était traumatisant même pour les Québécois. C'est ouais, c'est ça, exactement. Non, c'est alors, imaginez une Française qui vient d'arriver au Québec depuis 3 semaines et qui découvre ça. Donc, j'imagine qu'il y a toujours un traumatisme qui a dû rester par rapport à ça. C'est ça. Est-ce que tu as goûté à des sortes de poutines originales au Québec jusqu'à maintenant? Parce qu'il y en a beaucoup, des poutines aux ailes de poulet. Wapiti. Mm-hmm. Oui. Non? Bon, des saveurs originales, j'ai rien qui me vient. Mais déjà, la poutine de base, je savais pas trop ce qu'il fallait que j'en pense. Je m'attendais à tout, là. Mm-hmm. On me disait, soit on adore, soit on déteste. Et finalement, t'as aimé ou t'as détesté? Finalement, j'ai adoré. D'ailleurs, je partais de loin parce que la première poutine que j'avais goûtée, c'était celle du McDo. Pas un standard. Une Québécoise m'avait traîné là-bas, puis elle m'avait dit « Bah, il faut que je prenne un supplément poutine là, pour te faire goûter. » Et moi, je m'attendais au pire. En plus, celle du McDo. Il dit « On a des McDo en France, on sait à quoi ça ressemble. Hein. » Mais ils servent pas de poutine. Puis là, j'ai commencé à prendre une bouchée avec beaucoup d'appréhension. Puis j'étais là, il dit « Ah mais c'est pas mauvais en fait. » Je reprends une autre bouchée, il dit « Ouais, c'est même bon. » Je pense que maintenant je serais plus capable de celle du McDo. Non, mais c'est ça. Mais au moins, ça m'a... T'es passé au niveau supérieur. Et moi, ce qui me fascine, c'est comment les Français peuvent survivre sans poutine. Sérieusement, ça me manquerait, genre, sérieusement, d'aller en France, puis genre, de pendant un an, mettons, puis de pas avoir accès à de la poutine. Je pense que je reviendrai au Québec où je trouverais le moyen de trouver de la sauce brune. Tu sais, Alex, là, pour rajouter, parce que j'ai vécu 2 ans en Ontario, et quand je suis retourné au Québec, est-ce que tu sais à quel point la poutine me faisait... Ben, c'est sûr que je retournais au Québec, donc c'est sûr que la première chose que je faisais quand je retournais au Québec, c'était non seulement de voir ma famille, mais manger une poutine, mais 2 ans sans de bonne poutine. Oh. Ouch. Ça fait mal. Ah, c'est clair. Ça fait mal. La poutine, quand t'es revenu, par exemple, devait être incroyable. C'est la première que tu remanges, là. Ça a dû... C'est sûr que j'en avais mangé quand je redescendais pour le temps des fêtes. Ah, OK. Mais c'est sûr que de la poutine avec fromage mozzarella puis frites congelées, là. Ouais. La vraie, là. Puis sauce, mais pas sauce, c'est comme... Pas sauce brune, sauce à poutine. Un gratin, c'est dur, c'est... Un gratin. Non, mais lui, il parle de celle qui est pas bonne. Ah, OK. Non, je comprends. Ouais. OK, oui, mais ben, c'est comme chez McDo en ce moment. Là, je veux dire, ils servent des frites chili avec du fromage râpé. Mm-hmm. C'est dégueulasse. Ça, leur poutine n'est pas tellement meilleure que ça. Hein. Mais non, en effet. On salue les gens qui nous écoutent au McDo. Oui, aujourd'hui, on s'est mis à dos McDo. Oui, c'est vrai. Et la Sodexo. C'est ça, nos amis. Il nous reste seulement une vingtaine de minutes. On va devoir avancer quand même plus rapidement que ça. David Ferron, tu nous as amené quelque chose à boire. N'est-ce pas? Ouh, je sais pas si Marie voulait donner son chocolat tout de suite. Ah, on peut y aller, ben oui. Marie, petite twist. Premièrement, t'as été invitée à la dernière minute hier. Et en plus, tu cherchais quelque chose et t'as pas réussi à le trouver, tu me racontais. C'est bien ça? C'est exactement ça, oui. Raconte-nous. Alors, je me disais, amener quelque chose de... d'original, je pense que c'est pas le mot exact. Là, je me dis, tiens, je vais amener un tube de Toblerone. Depuis qu'il y a eu le Brexit, il paraît que les Toblerones ont un petit peu changé, qu'ils ont maintenant des triangles plus espacés. Oui. Mais finalement, il n'y a pas ça ici. Oui, finalement, oui. Je suis allée acheter un tube de Toblerone au dépanneur. Quand je suis revenue, mon chum m'a dit, mais tu sais que c'est juste en Angleterre là qu'on trouve des tubes de Toblerone avec des triangles espacés. Où est-ce que tu comptes trouver ton Toblerone de triangle espacé? Parce qu'on voulait voir si ça allait nous faire mal au palais. Donc je suis allée regarder, il dit, ah bah oui, les triangles sont parfaitement normaux. Donc c'est un point très négatif pour l'originalité, d'autant que j'ai cru comprendre qu'on avait déjà eu des produits Toblerone ce matin. Ah, c'est ça, on a mangé une tarte au Toblerone avec Frédéric Simon tantôt, qui goûtait quand même la Toblerone, mais c'était comme un petit plus-value. Là. Oui, avec l'espèce de pâte... style la biscuit un peu feuilleté avec le... l'espèce de crémage assez léger. C'était bon quand même. C'était très bon tantôt. Mais là, on va goûter à quelque chose qu'on a probablement tous déjà goûté, mais bon, hein, que voulez-vous, c'est comme ça, on n'a pas, pas les espaces. Mauvais point pour l'originalité, mais bonne nouvelle pour tous les consommateurs, sauf les malheureux Anglais. C'est ça, les pauvres Anglais. C'est dommage parce que je m'étais déjà dit que j'allais dire « Miam, je goûte l'espace entre les triangles ». Mais vous pouvez toujours tous disserter sur la qualité des triangles. D'accord, allons-y, on fait la distribution de ces petits triangles de Toblerone classiques qui, Colin, fit pendant les fêtes quand même. Il y en a qui se donnent des gros... tu sais, en ce moment... T'as des grosses barres de Toblerone. Mm-hmm. Tout comme t'as des gros lint. Avez-vous vu les gros lint? D'après moi, c'est comme des petits lint dans un genre de gros lint. J'y ai pensé. Hein. On l'a tous croisé à la pharmacie. On a vu Stéphanie Paradis, a vu sûrement. Elle est en train de baver devant les lint. Vous pouvez l'avoir les mercredis, les jeudis, les vendredis, entre 1h et 2h. Oui, notre micro de foule, c'est Marie qui l'a. C'est Marie qui a le micro de foule. La distribution se fait en ce moment. Il faut casser avec les mains, effectivement. On se rappelle à quel point c'est difficile casser de la Toblerone. Ben, c'est pour ça qu'on voulait tester les montagnes plus espacées. Motadine, ça doit aller mieux. Il y a plus de grippe. Plus de poing. C'est vrai. Après ça. Mm-hmm. Et il y a aussi des... on a parlé des grosses Toblerone, mais il y a aussi des petites Toblerone. Ça oui, se mange oui. pas mieux. Non. C'est, on dirait que c'est pire, en fait, pour la division. Oui, parce qu'elles sont tellement petites que tu viens comme te frôler et le palais et la gencive. Exactement. En même temps. C'est pas le fun. Beaucoup de frôlage. Beaucoup de frôlage, c'est ça. On n'est pas au 10-12 un mercredi soir. Hein? Non. On veut moins non. de frôlage que ça. Étais-tu là? Ah, Alex! Oui. Quelle question, Mathieu. S'il y a un party au 10-12, Alex Marchand c'est est sûr. Présent. Systématiquement, c'est... Pendant ce temps-là, nous autres, on était à matière noire. C'est ça, oui! Un spécial résumé de l'année 2017. Il a fallu que je me faufile à travers la file du Frosty pour me rendre jusqu'au studio, mais... C'est assez difficile, hein? C'était très difficile. Ouais. On avait notre 5 à 7 d'assemblage requis aussi mardi soir. Hein. Mais on n'a pas tellement senti le Frosty tant que ça. Sauf quand t'es parti, Tania, c'est ça? Ouais. Donc, bref, la distribution est faite. Tout le monde a son Toblerone. Sauf moi encore, mais bon. Tout le monde goûte en même temps? Je suis le grand oublié là-dedans. Tout le monde goûte? Allons-y. Toblerone, classique. Est-ce que ça goûte comme dans vos souvenirs? Ben, ça faisait extrêmement longtemps, moi, que j'en avais mangé, puis c'est encore meilleur, finalement, que c'est dans ça. Mes souvenirs. Il y a une petite c'est chose. C'est toujours aussi satisfaisant. C'est quoi le petit quelque chose qu'il y a dans la Toblerone? C'est du nougat. Du nougat qui est caractéristique, qu'on n'a pas dans... C'est bon. Il y a quelques bars qui ont du nougat, mais pas beaucoup, pas assez, même, je dirais. Mais moi, je l'avais déjà essayé en fondu. On m'avait dit, mange ça en fondu. Moi, j'ai pas aimé ça. Le petit crunch à travers le chocolat fondu sur tes fruits, j'ai trouvé ça désagréable. Okay. Je préfère manger le gros chunk de même. Ouais. Ils font direct dans ma bouche de toute façon. C'est ça. Personne s'est défoncé le palais parce que personne n'a mis sa bouche directement sur la barre. Toujours une bonne affaire. Véronique? Moi, j'ai passé mon tour. Ah non, pour ouais. vrai? Parce que t'es pas une fan ou... Mais c'est pas grave. Ouais. Non, j'étais comme vraiment... T'en as assez de sucré. Ouais, hein. ouais. Prends d'autres chips. C'est ça, je vais faire. Il nous reste David Ferron. Là, c'est vrai qu'on est rendu à toi, je pense, pour aller boire un petit peu, oui. pour caler tout ça, parce qu'à un moment donné, on a tellement mangé qu'on sent... On a la bouche sec aussi. Oh. Oui, aussi. Qu'est-ce que tu nous en as? Mais je tiens à dire avant que Nougat, c'est la nouvelle version d'Android. Oui, c'est vrai. Puis, comment tu trouves ton morceau de chocolat, finalement? Je l'ai pas eu, finalement. C'est pas le nouveau, c'est Oreo, non? Non, c'est quoi? C'est pas... Ouais, c'est vrai, c'est Oreo, mais c'était Nougat, c'est la version précédente. C'est ça, en effet. Tu vis dans le passé. Là. Maintenant que t'es rendu sur iOS, tu regardes plus en arrière. Hein. Non, exactement, mais c'est ma formation d'historien. Fallait au moins avoir une référence à Android et iPhone dans cette émission-là avec David. T'as amené quelque chose à boire? Est-ce que c'est alcoolisé? Parce qu'il y en a qui peuvent pas boire d'alcool. Non, tu sais. Non, c'est vraiment dans la section des boissons gazeuses parce qu'il paraît qu'il faut pas dire liqueur pour les franco-ontariens. Oui, non, c'est ça. Et les Français aussi, parce que de la liqueur, c'est de l'alcool fort. Hein? Oui, exactement. Ben oui. Je sais pas qu'est-ce qu'on va boire. Tu sais pas ce qu'on va boire. Tu l'as acheté toi-même, mais tu sais pas ce que c'est? Ben, je voulais découvrir avec vous. Ah, c'est fun. Oui. Mais c'est la première bouteille qu'il a vue, tu sais. Du vinaigre balsamique pour moi aujourd'hui en shooter. Exactement. C'est pour me venger de toute l'intimidation que Mathieu m'a fait subir. Est-ce que t'as amené des verres? Oui. OK. Hey. J'ai même fait plus que ça. Quoi? Parce que je me suis dit, c'est pas bien d'acheter 20 verres alors qu'il n'y a pas 20 personnes. Des verres, je sais. C'est à l'unité, donc, c'est ça? Non. Ben, surtout que là, je savais que la chasse-galerie était fermée, donc ils ne pouvaient pas nous prêter des verres. Donc. Alex Marchand est en train de mourir. Soit que ça va être des verres à gin ou des pommassons. Tu as vraiment fait un effort exceptionnel d'amener ta propre vaisselle. Oui! C'est magnifique. Mais ça me fait plaisir de la shipper, Mathieu, non, c'est vrai. Ouais, c'est ça. des pots maçons. C'est beau, c'est beau. Ou des verres, c'est selon la préférence du genre. Ariel est très intriguée en ce moment par tout ça. Oui. Je pense qu'elle pense que c'est un cadeau que tu es en train de faire. Elle est surtout intriguée par le fait qu'il y a un fil par terre. Oui, le fil du micro de foule. Je pense que le chocolat commence à kick-in. J'avoue. Donc, il y a deux trucs. D'abord, il y a Bottle Green. C'est des fleurs de sureau. Et je sais pas c'est quoi, mais Maryse semble en connaître beaucoup des sur le sureau. Ça, si je... La fleur de sureau, en fait. Bah, le sureau, vous le connaissez tous depuis Harry Potter, je pense. Oui, la baguette. La baguette? La baguette de sureau. Ouais, c'est la meilleure. Et la fleur de sureau, en fait, il y en a qui poussent derrière chez mes parents en France. Okay. Puis on en cueille à tous les printemps et ma mère fait plein de choses avec. La gelée de fleurs de sureau, des sorbets à la fleur de sureau. Des tartes, peut-être. Ça goûte quoi? Un peu le litchi, ça goûte un peu le litchi. En fait, il y a deux camps. Il y a ceux qui trouvent que ça goûte absolument le litchi, puis ceux qui trouvent que ça goûte absolument pas le litchi. Moi, je suis de la team litchi. Okay. Et ma mère est de la team non litchi. Ah, d'accord. Encore des problèmes de famille, autant quand Tania et Denis tantôt en début d'émission. Pas de problème de famille. Non, mais non, rien à mais problème, non. On mais j'aurais peut-être dû vous le laisser découvrir par vous-même. Là, je pense que j'ai volé le punch. Parce que tu nous donnes envie de litchi, parce que je pense que on est plusieurs à aimer le litchi. Mais d'ailleurs, si vous aimez la liqueur, ben celle-là qu'on va goûter, il y a aussi une liqueur de sureau qui existe qui s'appelle le Saint-Germain qui se vend à la SQ. À peu près 45$ la bouteille. C'est une longue bouteille super bien faite. C'est comme en forme de fleur un peu vraiment belle. Alcoolisée, bien évidemment. Exactement, 20% d'alcool. Puis c'est super doux, c'est frais. Si vous aimez ça, je suis pas mal sûr que vous allez aussi aimer le Saint-Germain, mais je recommande. C'est une de mes liqueurs préférées. Puis je suis piqué là, sur mes liqueurs. Ah ouais, t'es un gars sélectif, ça paraît. Ah oui, exact. Ça paraît. Est-ce que tout le monde a son verre? No. Merci. Je sais pas parce qu'Ariel aussi en veut. Ben, ah, mais dans le même verre que Steph. Tu peux lui en donner pendant qu'on goûte parce qu'il nous reste quand même seulement bon. Une dizaine de minutes. Pas d'alcool, hein, pas d'alcool. Moi, je trouve que ça sent le litchi, là. Ah oui, ça sent le litchi. Ça sent le litchi, dit Stéphane Paradis. Ça sent la liqueur de litchi, là. Oh mon Dieu! Les petits drinks de Las Vegas sentaient ça. Du gin là-dedans doit être... Oh! Du gin Roméo, là, à saveur de concombre. Oh. Ça doit être incroyable avec ça. Oh, c'est merveilleux. Du gros gin Roméo, là, à saveur de concombre. C'est quoi du gin Roméo? C'est une marque. Il est excellent. Il est excellent, là. Oh, ouais, ça goûte un peu le concombre, là. Avec ça, ça doit être... C'est par les mêmes qui ont fait la pure vodka, Nicolas Duvernois, entre autres, puis ça c'est ligne, ça. Mais ben, on est prêt à goûter? Oui. Allons-y. Oh ouais. Les feeders, ça me ferait ça. Oh là, tu me parles. Ah ouais. Marie a raison pour le litchi, je trouve. Je sais pas si tu m'as inséré ça psychologiquement, mais ça goûte un peu litchi. Ouais. Non, moi aussi, je pense que je suis team litchi, là. Et qui est team non litchi, juste pour savoir? Tout le monde, ouais. Moi, je suis team litchi aussi. Uh-huh. Ah oui. Ça pourrait être un petit peu plus pétillant, je sais pas si vous trouvez aussi. Ben, c'est peut-être parce qu'il est pas dans un réfrigérateur présentement. Peut-être, mais c'est quand même peut-être, froid. Peut-être, mais non, mais je pense quand même que la bulle est moins fine aussi. Tu sais, je suis rendu un amateur de mousseux. Ah ouais, c'est vraiment tout ça, là. C'est quoi, il y a des grosses bulles, il y a des tailles. Il y a des grosses bulles, il y a des petites bulles, il y a des bulles qui sont persistantes, il y a des bulles qui s'estompent rapidement. Ça, c'est une bulle quand même grosse qui s'estompe quand même rapidement. Mm-hmm. Marie? Je viens de me rappeler que ma mère faisait aussi de la limonade avec ça. Mmh. C'est quasiment ça. Oui. Ce serait bon, un petit peu de citron encore plus là-dedans. Ouais. Marie, si t'es disponible pour aller faire le tour de la foule, je pense qu'on peut te léguer cette tâche pour aller voir avec Stéphanie Paradis et sa fille, qu'est-ce qu'elles en pensent. Moi, en tout cas, je suis d'accord, ça goûte le litchi. Ouais. Et mais moi, je suis une méga fan de litchi, je capote. Ouais, c'est vraiment bon, là. Vraiment bon. C'est super rafraîchissant. J'en veux là, chez nous. Ouais. Vraiment. Fait que je sais où David l'a acheté, si jamais ça vous intéresse. D'après moi. Tania a intérêt à n'apporter pour Noël. Ah mon Dieu, hein. Je m'en vais au IGA tout à l'heure, gagne. Denis approuve? Oui, c'est très bon. C'est très, très bon. Ouais. Mais effectivement, avec du beef eater dedans. Ah ouais, ça prendrait un petit remontant, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça bon. Serait excellent. Moi, j'aime pas la texture du litchi, mais là, en liquide, en jus comme ça, je trouve que c'est vraiment bon. J'ai jamais goûté à du vrai litchi. La texture est quoi? Avec une fibreux un peu. Ouais. Ouais. C'est un peu. Ouais. David? C'est un peu gélatineux. Ah ouais, bah j'aimerais pas ça. Ouais. Mais j'aime ça. C'est pas litchi industrialisé parce que des fois, j'ai déjà goûté à du litchi, puis c'était vraiment hyper sucré artificiel, ça sent. Ah ouais, ok. C'était industrialisé, tandis que là, c'est juste subtil. Ouais. Ouais. C'est vraiment parfait pour accompagner un petit dessert doux. Ou juste en drink, là, avec comme Denis le disait, avec un peu de gin, puis j'irais avec une petite petite goutte là, d'amertume. Ouais. Ah ouais, du bitter peut-être ouais, un peu. Ouais, ah, ouais, ouais. Bitter gin. Ok, on, hey, on ouais, prochain. Ouais. Hey, prochain gagne. On se saoule. En 2018. En 2018. On oublie le maroula. Donc, c'est par Bottle Green. C'est disponible en épicerie. Donc, si je comprends bien votre référence de tout à l'heure, Bottle Green, saveur de sureau. Excellent. Fleur de sureau. Voilà. Il nous reste vraiment pas beaucoup de temps, 5 minutes environ. Est-ce qu'on prend le temps de goûter à autre chose à boire? David? Est-ce que quelqu'un d'autre a apporté quelque chose à manger? Je crois qu'on a fait le tour pour ça. Ben, moi, j'avais quelque chose d'autre à manger. Là, ouais, si moi aussi, mais... C'est du sucré, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On va garder ça pour le mois de janvier, ouais, exactement. Je pense. Ah, c'est Monday, ça. Ouais, ben ouais, ben ouais. Ah, non, ça se garde bien dans un tiroir, j'imagine. Ben, c'est ça. Non, il était cuit, fait que... Oh, ah, Tania, t'as cuit quelque chose. Ouais. T'as passé la soirée là-dessus. Ouais, je sais. On va finir avec toi, je crois. OK, d'abord. Mais ça se mange vraiment rapidement, vous allez voir, OK? OK, good, on va finir là-dessus. Désolé, David, si on peut pas se rendre jusqu'à ta boisson numéro 2. C'est comme on pense que ça gardera pour la chronique. Oui, ben oui, c'est ça. Ça, ça se garde bien dans un tiroir, par exemple. Je pense que tout le monde connaît ce classique-là. Mais il y a des éditions spéciales. OK. Et je vous apporte l'édition spéciale chocolat chaud aujourd'hui. Ouh! J'essaie d'ouvrir le beau. Ouais. C'est encore un plateau power. C'est les fameux biscuits Pittsburgh. Oh, mais chocolat chaud avec guimauve à l'intérieur. Oh, mais c'est tellement une excellente idée. C'est con, mais pour vrai, j'adore manger des produits Pillsbury. Je suis un grand fan de produits Pillsbury. C'est aussi les chaussons. Hein. C'est vrai. Hey, ça sent le brownie. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ah, le... Est-ce qu'ils sont mous? Ben oui. Là, ils sont peut-être en ouais, non, non, mais, c'est encore mou. Ça sent encore le chocolat chez nous à matin. Là, fait oh, que, ouais. Ah, damn. À moi. J'en veux moi aussi. Marie. Le grand oublié de cette émission. Ouais, ouais, vraiment, Mathieu. Ça t'en prendra parce que l'intimidation. Ouais, c'est ça. Tiens, merci. Alors, c'est ça. J'ai juste senti un petit peu trop, là, puis on dirait que j'ai comme eu un frisson de. Non, je suis pas sûr que j'ai. C'est ça, j'ai trop mangé de sucre. C'est ça, exactement. Je vais goûter, mais je le mangerai pas au complet. Est-ce que vous trouvez que ça sent. Ils sont encore mous, Tania. Je te le dis, ils sont vraiment mous. Et j'ai réussi à déchirer une guimauve. Et à l'odeur. Bon, tout le monde a commencé à le manger. Ben oui, évidemment. Mon père a la bouche pleine, tu sais! Ton père comprendra jamais. Ah non, mais non, mais ça sent exactement comme les biscuits du Subway, pour vrai. Mais c'est vraiment l'édition, le chocolat chaud avec guimauve. Chocolat chaud, la différence avec le chocolat ou le brownie, c'est ça? J'en ai aucune idée. J'imagine que c'est chaud. OK, ben moi, en tout cas, j'y vais, là, si on n'est pas... Si y en a ben, qui je nous t'accompagne, entend... Mathieu, je t'attends. OK, merci, moi, j'ai goûté hier, OK. Non, les côtés sont croustillants. Ouais, biscuits frais faits, excellent. Ouais, et la guimauve, un petit peu. La guimauve est comme un petit peu dure. Ouais. Ça donne juste un petit... Effet pour pas fondre, c'est... Ouais. Ouais. Miam. C'est ça. Ça me fait penser aussi au... évidemment, ça va faire penser à plein de choses, à plein de monde, là, ben mais... Oui. Quand McDonald's avait son chausson choco-guimauve. Oui, choco-guimauve. Ça me rappelle ça, le petit côté brûlé du côté du chausson, il revient dans le chocolat, dans ouais, le biscuit. Vrai. Vraiment très bon. Colin, hey, hein? C'était bon, ça? C'était merveilleux. Tout le monde a aimé ça. Est-ce qu'on fait le tour pour ces commentaires-là, David? Quand on croque dans une guimauve, c'est très gooey. Donc, oui, c'est ça. Excellent. Ça tire. C'est comme du mozzarella. Définitivement, Tania, t'as des choses à faire pour le réveillon. Je crois qu'elle a beaucoup de choses à se faire pardonner pour ne pas être exclue de l'héritage. Ouais, c'est ça. Hein? Effectivement, j'adore. Bravo, Tania. Non, merci, merci. Bravo, le petit bonhomme Pillsbury. Moi, je suis encore sur l'eau pétillante ouais, au sureau. C'est toujours très bon. Ben, j'avoue qu'on a besoin pour pouvoir, comment dire, nettoyer notre bouche après ce chocolat-là. Parce que c'est vraiment sucré. Miam. Voilà, on a terminé avec nos dégustations. C'est pas mal tout le temps qu'on a. Je sais pas si ça vaut la peine d'ouvrir l'autre boisson. On va la garder pour une autre fois, David. On va remercier Frédéric Simon, Massière Noire. Les mardis soirs à 21h, ça joue pendant les fêtes, si je me rappelle bien. Il me semble qu'il y a des rediffusions dans l'émission. Oui, en fait, il y a des rediffusions de pas mal tout pendant les fêtes. Donc, Matière Noire, c'était écouté à l'émission de métal, de rock progressif, de comment t'appelles ça, c'est le de rock progressif. Pas mal ça. Alex Marchand, merci. Merci à vous. De retour en janvier avec vous autres, mais plus tard, parce que je suis pas capable de me lever le ouais, matin. Ouais, c'est ça. En fin d'émission, à 9h30, je crois, les mardis pour ta chronique dans ma tête. Frédéric Simon, j'ai oublié de dire, il y a aussi une chronique au Mathieu Plancher. Les mercredis oui. À 15h d'un autre gamer à un autre. D'un autre gamer. Ou encore d'un autre autre gamer cette exactement. Semaine. Et il y a des émissions spéciales du Mathieu Plancheau avec des montages de tes chroniques et celles de Samuel Girard. Surveillez ça sur assemblagerequis.com. Merci à Stéphanie Paradis qui, elle, vient avec nous aux deux semaines pour faire sa chronique télé Patate de Sofa. Hey, merci de m'avoir accueilli. Mais merci d'être venu. Tu reviens en janvier, toi aussi? On va voir. OK. On va voir. On n'est pas sûr. Il peut se passer bien des affaires pendant le temps des fêtes. Marie Labrosse, la rédactrice en chef du journal Zone Campus. On retrouve un nouveau numéro à partir du début du mois de janvier. On va travailler là-dessus un petit peu vers la fin des fêtes, toi et moi. Oui, ça va être absolument ouais. génial. On a hâte de travailler pendant les fêtes. Ça va être le fun. Denis Baudin, qui allait me traîner nous assez fou les jeudis soirs. De 19 à 22h. Oui, et ça joue pendant les fêtes. C'est aussi un spécial ouais, de Noël. Un paquet de rediffusion de notre spécial de Noël dans lequel on vous donne des suggestions de disques. Oui. À acheter pour Noël, des disques blues et dans lequel on déguste trois merveilleux type de rhum. Oui, des rhums non alcoolisés, j'imagine. Oui, c'est ça. Non alcoolisés, oui. Les rhum, H-U-M, oui. Hey, c'est bien dit, ça. Du rhum des femmes et de la bière, non des yeux. Hein? Non, effectivement. L'accordéon pour... Et on vous rappelle que si vous êtes un petit peu tannant dans le temps des fêtes, il y a toujours un taxi, un ami, Opération Nez Rouge, et maintenant le CA. Oui, et appelez directement Denis Baudin, il va venir vous livrer. Les CA vont remorquer ton auto. Mais c'est une solution. Ils vont te ramener. Ah ouais? Oui, je savais pas. Ouais, c'est le fun. Véronique Mire. Eh oui. J'ai comme eu à avaler en même temps. Un petit soubresaut de toute la kit. Véronique Mire qui fait sa chronique à la Véronique Lépédie tous les jeudis matin ou deux semaines, en fait. J'ai dit tout, mais j'ai jeudi ou deux semaines. Eh oui. De retour en janvier. De retour, avec bonheur. David Ferron. Oui. Salut. Chronique Zone Campus et la carte bleachée en alternance les mardis matin à Sondage Rocky. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Et est-ce que tu vas reprendre une émission un jour? Pas de ça. Peut-être cet été. Cet été, hein? Mais je sais pas encore, ça va dépendre comment ça va, vu que je suis un homme qui se prend pour un docteur. Ouais, c'est ça. On est vraiment proche de taper de retourner aux études, nous autres. Ouais. Oui, encore. Quelle drôle d'idée. Aussi, on a eu aujourd'hui Martin Lambert des services aux étudiants. Donc, on le remercie pour sa participation. Qui est venu et est parti en cours de route? On avait Alexandre Laramis-Wiki en début d'émission. Oui. C'est pas mal les deux seuls qui sont plus présentement avec nous. C'est ça. Lui, on le retrouve à la Luître, la Ligue d'improvisation, les lundis soirs. Toutes les plugs sont faites. Est-ce qu'il m'en manque? Tania Baudin. Ben, toi et moi. C'est ça. De retour le 8 janvier. Oui, 8 janvier en direct, mais pendant les fêtes, on a des émissions spéciales. Deux spéciaux de 3 heures, plus les potlucks, plus la rétrospective 2017 qui va jouer aussi pendant les fêtes. Oui, l'émission spéciale qu'on a fait ensemble la semaine dernière. Et voilà, tout ça dans le cadre de ce qu'on appelle Radio Cadeau. Oui. Cet été. Cet été. Je sais pas, il commence à faire soleil dehors. Il fait soleil, mais là, il fait pas trop. Merci à tout le monde, pour vrai, ça a été super le fun. On se refait ça l'année prochaine, probablement, on va voir. Et puis, c'est ça. Joyeuse fête! Joyeuse fête, oui! Et Mathieu! Je veux une petite phrase de fin de ta part. OK. Okay. Attention. Je vais quand même vous dire un bon café. Et est-ce qu'on se laisse avec la toune? De Dolly Parton? Non, celle de l'année dernière. Ben oui, on va se laisser avec la même chanson qu'on s'est laissée l'année dernière. C'est L'amour a pris son temps de Nathalie Simard. T'es en train de dire que c'est rendu une tradition après c'est deux ans. C'est rendu une tradition. Bon. Bye tout le monde! Bye. Merci! Bye! Joyeuse fête! Froid au loin là-bas. L'amour revient de guerre, la tête de travers, mais le cœur à l'endroit. Faisons la paix si tu Oh. L'amour s'éveille au jour après minuit.